Direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 8 de la saison 2014-2015 de la soirée du podcast. L'alignement de départ pour le match de ce soir, le numéro 75, JF Cromp, le numéro 21, Dave Thibodeau, le numéro 98, Alex Galipo et le numéro 31, JF Mallette. Yeah, man. Bienvenue à cet épisode 8, on est en désavantage numérique ce soir. À cause de deux hommes, le numéro 88, Alex Cromp, qui est probablement sous quelque part... Et le ditch. C'est une constance pour lui. Et puis le numéro 24, Mart Vero, qui est probablement dans un mosh pit de Voivode et Napalm Death en ce moment aussi. Alors, on salue Mart. Il est allé se faire brasser de lavage. Il est allé se faire brasser le sac. Alors, on va aller faire tout de suite l'avant-match. Alors, bien sûr, l'avant-match, période de réchauffement ou période pour se réchauffer, c'est selon. Fait qu'on prend une petite bière et puis on... Ça va, les gars? Ben oui! Ça va top niveau. En ce moment, on a deux cellulaires sur la table qui peuvent sonner à tout moment. Il y a des gens qui pourraient donner bas. Ouais. Alex et Dave qui attendent des petites recrues dans leur club. Ouais. Alors, on espère que ça arrivera pas maintenant, mais ça donnerait vraiment un très bon show. Ah, les deux en même temps. Les deux en même temps. Oh shit! Fuck! Ça serait... On se bouscule à la sortie. Danse-toi, pas qu'à s'en faire! Alors, check. Check. Je sais pas si... T'avais noté ça? Non, c'est dans ma tête. Check la feuille. Check. Quand je dis check, généralement, c'est parce que je l'ai jamais noté. Ça. Okay. C'est tout le temps des checks mentales. Mais tu fais le mouvement sur ta feuille en plus. Ouais. Comme, il fait check. Tu gâches tout le temps la magie. Yeah. Ils ont ta gueule à la télé. Ils vont la vendre à la télé. J'ai ta gueule en vidéo. Je vais la vendre à la télé. Je sais pas si vous avez des sujets hors podcast que vous voulez parler avant. Hors podcast. Ben, hors podcast ou hors sujet général. Je vais parler de politique. Bon, je m'en vais, moi, là. J'aimerais parler du Dow Jones qui est en baisse en ce moment. Non, moi, j'avais un commentaire. Moi, je parlerais du prix du gaz qui a monté pour fuck all de raison de comme 14 cents. Ouais, puis il a descendu aussi pour aucune raison. 98,4, j'ai intégré. Hein? Ah ouais. T'es qui où? Ben, Laurentide. Moi, je comprends jamais rien. Plus tu t'en vas cru, moins le gaz est cher. Ouais. Mais il n'y a pas de raison. Putain, le transport devrait être plus cher. Mais de l'eau, plus ça coûte cher. L'amener là, le gaz. Bon, regarde. Bon, on est tellement niaiseux, on doit pas comprendre ça, nous autres. Là. Parce qu'il s'en vend en moins. Bon, check. Le prix du gaz, check. Non, moi, je voulais check tout, man. Vu que je prends les extraits sonores de Thérien Bergevin souvent après les games, j'écoute pas mal souvent les conférences de presse. Puis on est en 2015, là. Ça serait-tu vraiment compliqué de micer les journalistes qui posent des questions? Ah, je suis t'entends jamais rien, c'est comme... Ouais, ouais, là, puis là, ils répondent à la question, ouais. Mais tu sais pas c'est quoi. Fait que là, tu essaies de guesser par rapport à la réponse. Ouais. Puis tu sais, souvent, ils posent la question, puis tout ce que t'entends, c'est... T'entends juste Michel respirer. J'aurais vraiment fort, là. Coup de pied. Coup de pied. Ah, les sales coéquipiers ou bien... Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Fait que c'est mon commentaire éditorial. On dirait qu'il y a bien de la salive dans la bouche, Michel. Tu sais, quand il parle. Mais ça, c'était pas Michel. C'était Marc. Ah, Michel a tant bien de la salive. On dirait, tu sais. C'est Burge. Burgevin. Ah, il y a eu un rêve. J'ai eu un rêve aussi, un rêve qu'on allait commencer le show, finalement. Bon, go. Que c'était toute une prémisse. Ah, écoute, on est déjà réchauffé. Ah, tout le monde est bien réchauffé, alors on a tiré des pucks sur le goaler un peu partout. On peut commencer ça avec nos plus et nos moins, comme à l'habitude, entre les deux podcasts. Il y a eu juste 5 games qui se sont déroulés. Fait que, ben, c'est nos plus et nos moins de ces 5 games-là. Est-ce que quelqu'un veut commencer avec son plus? Carey Price? Non, on a dit Carey Price était mort pour la saison. On n'a pas le droit. Il est à côté, lui, Price. S'il y a plus de plus que ça. Il est dans barrure. Il est barré. Ouais, vas-y, Alex. Pourquoi tu en moins? Vas-y, le JF d'abord. C'est moi qui ai commencé dans les shows, là. Je regarde toi. Bon, je vais prendre une chance. Je vais y aller avec Subban et Markov. Parce que depuis le retour du match des étoiles, je trouve que Subban est comme devenu le Subban qu'on souhaitait. Il est efficace. Et bon, puis, même s'il se fait donner 2000$ d'amende pour plongeon, on en reparlera tantôt. Là, de ouais, ok, je vais me retenir. Mais même Markov, tu sais, malgré l'âge qu'il est rendu, je pense que Markov, il continue toujours à être fidèle à son habitude. Il est efficace au bout. Puis Subban, je pense que là, c'est. Ouais, il est rendu là où ce qu'on souhaitait qu'il soit. Ouais, c'est deuxième moitié de saison. T'sais, moi, tout, j'avais goût de dire mon plus pour la défensive. On dirait, ben, juste ça te perd, la défensive. Là, on t'a amélioré un petit peu. T'sais. En plus, à la saison passée, on hésitait à re-signer Markov pour un autre 2-3 ans. On savait pas être trop vieux. Moi, j'étais un de ceux qui disait qu'il était trop vieux. Moi, j'étais un de ceux qui disait qu'il fallait le re-signer en tabarnak. Je me trompais littéralement. Ouais, mais on peut-tu dire que dans le fond, jouer avec Subban, ça l'aide? Parce que, tu sais, Markov, malgré son âge, il a ralenti un petit peu, mais Subban, avec son énergie, ça l'aide. Honnêtement, là. Je trouve pas que Markov a ralenti tant. Non, il y a des creux, mais en général, il est assez constant dans son jeu. C'est là. Ça, quand je parle de ralenti, je veux dire, tu sais, il y a pas même vitesse qu'il y a au niveau. Il a jamais été un joueur comme super quick, là, Markov. C'est défenseur. Non, mais des fois, il était un petit peu plus vite, je trouvais, sur le power play. Tu sais, quand il se mettait sur le coin, ben... là, pour shotter, puis il mais comptait. Ça, son jeu qui montait justement au net, ça, il le fait juste plus, mais il serait capable, il l'a fait cette année, puis ça a marché. Fait que, tu sais, moi, je sais pas s'il a vraiment ralenti ou si je pense qu'il joue plus défensivement. Ouais, il joue plus défensivement. Il joue plus safe parce que, justement, il est avec Subban la plupart du temps. Il est plus à risque. Piqué, lui, il attaque, lui, il fait juste les passes. Je pense qu'il reste plus en repli à cause de ça. Mais en tant que vitesse, j'entends beaucoup de monde dire qu'il trouve qu'il a ralenti. Je trouve pas tant, moi, honnêtement. Mais en tout cas, c'est... Non, tu sais, dans le fond, avec l'âge de Mané, c'est pas pour dire que ton commentaire vaut pas de la merde, là. Sors le doigt, mais un peu, là. Vas-y dans le bas, Alex, là, t'as sauté ton tour, là. Fait que vas-y, t'es plus. Ouais, je vais te dire, franchement, il n'y a pas beaucoup de plus à donner, je trouve, depuis une coupe de game. Ouais, non, moins. C'est dur à trouver. Parce que, ben, il y a moins, mais. Tu sais, je veux dire, pour le vrai, le goaler, il a gardé dans la game pendant plein de matchs. Ouais. Non, mais c'est dur à dire non plus que lui, mais. Je vais dire, comme la paire de défense et tout, Subban, je pense que c'est le seul qu'on a vu une amélioration. Tout le reste, je trouve que ça a descendu dans l'équipe. Fait que... D'accord. Dave, vas-y donc. Tu check tes stats. Moi, je vais le donner à PA Parento. Celui qui brille par son absence. Hein. Non, c'est vrai. Je vais... Ben, c'est dur en tabarnak, mais... Je vais faire ce qu'on a dit qu'on ferait pas. Je vais le donner à Carey Price. Je m'en calisse parce que. Mais sérieusement, là, dans les dernières games. Il n'y a pas personne. Puis vraiment, là, les dernières games qu'on a gagnées, surtout depuis. Depuis la petite pause qu'on a eue. Ton iPad, mon clavier, là. Depuis la petite pause qu'on a eue entre les deux podcasts, je pense que c'est lui qui sort du lot. On a dit qu'on l'enlevait. C'est 1-0 Rangers, 1-0 contre qui d'autre. Il y a eu deux blanchissages de suite. Ouais, on en parlait tantôt. Okay. Il y a eu Rangers et Capitals après ça. Ouais, c'est puis ça. En passant, Price a alloué deux fois. Il a alloué deux fois plus que deux buts depuis, genre, le 9 décembre, on a fait de même. Ouais. Fait que c'est une moyenne de deux buts par c'est game maximum. Marraine. Dont trois en première contre les Sabres. Il est premier dans la ligue. Ouais, mais là, ça... On y reviendra. Il est first dans la ligue pour la moyenne d'efficacité. Ouais, tout à fait. Là. Ça sent le heart. Ouais. On reviendra. J'embarque dans le bateau. Il va être nominé. Va-tu le gagner? On verra. Ben, s'il continue cette saison-là, oui. C'est ça. Ça va dépendre. Parce qu'il reste encore pas mal de games à jouer. Il reste encore une trentaine de games. Ouais. Ouais, j'ai même pas donné j'ai pas donné les positions du pôle, j'ai oublié ça. Il reste beaucoup de hockey à jouer. On va te donner rapidement les positions du pôle avant que je donne mes plus. J'ai-tu monté? Je pense que t'as baissé de une coche, Alex. Non, c'est pas possible. En cinquième position, Jacques Germain. En quatrième position, JB Gagné. En deuxième position, Mathieu Gilina. En troisième, excuse-moi, Mathieu Gilina. En deuxième position, Samuel Lachaine. Et en première position, Steve Fortier qui a pris sa place en top. Ça joue serré dans les 5 premières positions. Là. Il y a du 6 pouces d'un côté qui se joue là. Bon, pour ce qui est de nos positions et nous autres, là. Le désastre quand même. Martin Véro, 13e. Jeff Mallette, 14. Moi-même, 16e. Alex Galipo, 25. Tu peux arrêter là. Alex Crombe, 34. Et Dave Thibodeau, 35. T'as monté d'un rang, Moi, je monte. Un peu. C'est ça. Je suis parti vraiment. Moi, à un moment donné, dans le podcast, j'étais premier. Quand ça? Avant que la saison commence? Ou pas premier, mais je parle. La première journée, ça a commencé. Ouais, genre, j'étais comme. Attends, dans le top au début. Ouais, dans le top, après ça, je fais comme BAM! Je suis tombé comme 40 coquillages à un moment donné. Là, je remonte tranquillement la pente. Hey, attendez à la fin de la saison aussi. Oh, mais. C'est vrai que Pécoriné va revenir. 32. Pécoriné revient bientôt, ça a l'air. Ouais, il est de retour en fin de semaine. Je pense. Ouais. En il n'a pas semaine. Déjà joué des games? Là, il y a Mark qui passe si quand Straits gagne les points. What the fuck? Ouais, juste pour le dire. Là. On le dira dans les pots quand que tu trades un joueur, tu n'obtiens pas ses points d'avant. Là. C'est ça. Il y avait Mark là, qui. Chris, il manque à peu près 30 points de Ryan Miller. Ouais, mais contrairement à ce que Mark a dit. Il aurait été premier. Ça serait bien trop facile. Sinon, tu trades juste ceux qui ont les plus hauts points contre ceux qui ont les plus bas. Tout le monde l'aurait fait. C'est parce que lui, son pool est complètement différent. C'est un keeper pool qui, genre, il s'échange les joueurs. Même là, tu t'échanges des points. Ouais. C'est weird. En tout cas, Mark n'est pas là pour se défendre, fait qu'on n'en parlera pas trop. On en parlera, mais qu'il soit là. C'est ça. On pourrait s'excuser d'ailleurs à Martin, mais qu'il soit là. De dire que les joueurs qui ont juste passé, là. Mm-hmm. Bon, il parlait pas de Sakou, là. Il parlait de Begin. Bon, mon ami, mon plus à Beaulieu, moi. J'aime bien encore sa progression. Je l'ai dit au dernier podcast, mais il m'a encore pas déçu. Puis je vais donner un petit plus à Dernay. Dans les dernières games, je trouve qu'il a fait du bon. Il est revenu sur la première. Dernière game, Dernay, il a crissement bien joué. Même si c'est C'est pour cette game-là, surtout, que je voyais. Il a montré qu'il était prêt. Pendant qu'on voit Brian Scrudlin à l'écran, une game canadien. Ah, c'est-tu que le hockey n'est pas paré dans ça? On écoute la game de 1986, by the way. Il y a beaucoup de hockey. Hey, man, c'est malade. S'il n'y a pas de pub, c'est bande, est-ce-tu? Non. C'était la belle époque. Imagine, à Star, il y a tellement de pubs, c'est bande, est-ce-tu? Il pense en mettre chez Chandail. Il y a tellement de pubs, c'est les banques qui mettent des pubs entre les périodes pour les changer. Hey, check. Le moins? Ouais, mais Dave, elle a dit de quoi? Non, c'est bon. Je m'en souviens plus. GF, faisons que ton moins. Ben, c'est pas long. C'est sûr que c'est facile de dire l'attaque du Canadien, mais moi, je vais y aller avec une situation. Weiss, qui joue sa première ligne. Je suis plus capable. Qu'est-ce que c'est ça, Calis? Puis je blâmerai pas Terrien, par contre. Tu peux pas blâmer Weiss non plus de se ramasser là. Non, parce que, tu sais, il fait ce qu'il peut. Il ne veut pas. Mais puis je peux pas blâmer Michel Terrien pour ça non plus, parce qu'il fait ce qu'il peut avec les éléments qu'il a sur la glace. Je trouve qu'il est quand même pas payé. Non, mais il apporte rien. Non, mais il a pas à sa place. Mais je trouve qu'il quand même, il amène la vitesse, puis au moins, il pousse le forward check un peu. Parce que, par exemple, les deux autres, ils font aucun forward check. It's all on him. Ouais, sauf que. Mais il est pas à sa place. Il crée pas tant de choses à part ça. Mais tu sais, c'est un moins que, tu sais, justement, Michel peut pas rien faire. Puis en même temps, les autres. Ça, c'est un moins, pas. C'est la situation qui se ramasse là. Puis qu'il y a personne d'autre que c'est lui tough, qui est là. C'est ça, parce que dans le fond, tu sais, même moi, personnellement, j'aurais peut-être essayé un C4 à la place un moment donné. Tu sais, ou donner une chance, une période ou deux. Là. Ben, ça veut dire Michel voit quelque chose. Je peux pas, parce que moi, tout, je verrais bien ces catchs, ce serait cool de le voir là, mais il y a peut-être quelque chose qui fonctionne pas. Non, surtout non. Avec Plekanec, ça aurait été cool. Ben oui, parce que dans le fond, il pourrait se parler, mais il parle le même langage, là, va-t'en dans le coin. Mais ça aurait été le fun d'avoir l'expérience. Mais il pourrait se caler comme dans l'ancien compte des corps de tapette. Là, puis, Mais ça serait comme dans le fond, d'un côté, c'est comme je mets un petit peu de pression à Bergé. C'est correct, Bergé? Faites quoi? T'sais, dans le fond, on a besoin d'aide en avant. T'sais. Ouais, ben gars, je pense que c'est là-dessus qu'on va s'enligner. Là. Je le souhaite. On va parler à souhait. Ça le prend 1-1. Ah oui, j'ai. Mais anyway. Fait que c'est ça qui est ça. Faisons avec ton moins. Oui. Moi, mon moins, c'est le moins Dave, man. C'est fucking Lars Eller, man. Harceleur sexuel. Je l'ai pas nommé souvent, je suis plus capable. Je lui ai donné sa chance. Pour le reste, ce gars-là, là, il est perdu. Je pense que c'est fini. Il sera jamais genre vraiment un joueur de deux premières ligues. Ben en fait, s'il le devient, ce sera pas à Montréal, non, ça c'est non, sûr. Pour de vrai, puis là, on vient d'y accorder un bon contrat à cause des séries l'année passée. C'est plat parce qu'il y a bien des DG qui font cette erreur-là. Bergevin a fait une coupe pas mal. Ouais, mais c'est normal, mais il a fait des bons coups et tout. Bergevin, c'est ça l'affaire. C'est qu'il fait des erreurs, mais il se reprend tout le temps. Fait qu'il va sûrement réussir à le passer d'une transaction qui va nous revenir à notre avantage. Mais ça serait fun comme qu'il fasse comme pas d'erreur. Il y a Gunshar. Tant que t'es capable de corriger tes erreurs, c'est déjà bon. Si tu fais des erreurs, genre, mettons, je sais pas, moi, Gauthier. Non, mais des fois, il y a une partie que tu peux pas prévoir non plus après les séries qu'on a eues avec Keller. C'est ça, tu sais, je veux dire, t'as pas t'attendre une saison de merde après non plus. Il voit Monsieur le psychologue, là, c'est quoi son nom? Docteur Marcoux. Docteur Hautecoeur. Docteur Hautecoeur. Mais justement, qu'est-ce qu'il dit dans sa chaise à l'heure et à l'heure? Docteur Hautecoeur, là. C'est un problème de confiance, parce que le talent, le gars, c'est... Ben, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on propose pour y remonter le moral puis donner un petit peu d'énergie? Il manque juste, on dirait. La maison. Tu sais, le petit étincelle, là. On dirait qu'il s'en fout, puis à chaque fois, il dit « Ah, oh, il joue pas bien. » Ouais, mais Chris, fait quelque chose. Ben ouais, il y a même pas de points depuis le 2 janvier. Il a l'air d'un gros crybaby, ce gars-là, man. Ouais. En plus, il dit que je veux pas jouer. Ça, là, ça m'a fait chier. Il dit que je veux pas jouer à l'aile. Asti, il joue, c'est qu'on dit de jouer. Prends ton hostie. Pour qui tu prends, lui, quand même? Non, mais c'est ça. Pourquoi, qu'on a, acquiescé à cette demande? C'est un beau mot, ça. Ouais, je sais. Félicitations pour l'utilisation. Ouais, merci. C'est un point. Il y a une affaire aussi. Félicitations pour l'utilisation. L'utilisation. L'utilisation, ton mot que t'as utilisé. Parlez-moi pas de l'épée, là. Ben, pour l'heure, c'est à l'heure, là. J'ai tout le prononcé. T'as comme hésité. T'es comme acquiescé. As-tu un Simon? pour Lars Eller, pour son cheminement qui l'a amené à la Ligue nationale, je sais pas si vous le saviez, mais c'est son coach qu'il avait dans le junior, puis dans le Pee-Wee, c'était son père. C'est sûr que... Non, Pee-Wee, oui, mais Pee-Wee, oui? Ouais. Ben non, mais il y avait un reportage sur lui. Son père l'a coaché lui. Pendant plusieurs années. Ouais, mais pas après junior, c'était un autre gars. Parce que on a vu un reportage sur lui. Son père, c'est quoi? C'est-tu Ulrich? Ulrich Eller? Mais il est blond. Ulf. Olaf. Mais oui, tout, quand il était jeune, c'est son père. Tout ça pour dire, ah, t'es mon fils, fait que tu vas jouer au centre, première ligne. Ouais, mais je veux pas, pour être dans la chaîne, je veux pas y avoir le talent. Là. Il a quand même été repêché. Il a quand même faut été donner repêché, ça. Simonac, on dirait que c'est épique le choix d'Éric Chouinard. C'est bon. Le potentiel était grand, ce gars-là, mais je pense qu'on vient de voir son pic. Ben ça, c'est comme une erreur, Resti. C'est pas un gars de 20 buts. Un défaut de fabrication. Ouais, puis... c'est quelle game? La game... dernière game, je pense. Moins 3. Moins 3. Ah, ben, ouais, puis, ouais, ben, Jacob Delarose. Ouais, aussi. Mais c'est pas grave. Ça l'a pas aidé, ça. Ouais, ben, attends un peu. C'est à Heller d'emmener Delarose. Delarose, lui, crée sa première game dans la NHL. Ouais, pour le reste, c'est la responsabilité d'Heller. Fait que Heller, il sentait mal. Il s'en colle pipi, man. Il s'en colle baratin. Mais Heller et tout, il a dit qu'il sentait mal. Ok, je pensais que tu disais que Delarose s'entend encore pipi. Delarose sent le pipi. C'est de sa faute, ça te déconcentrait toute la game. Chris, il sent l'ammoniaque à plein nez. Non, mais il a dit qu'en tout cas, il sentait mal. Pour le je kill. Faisais à part, sentait le baratin des bancs d'école. Mon moins était long. Là, fait que ton moins Dave. Pendant que tu fais une gorgée, là, j'y vois, comme ça. Pendant que tu fais une grosse gorgée, même. Mon moins. Quoi? Quel est bien. Mon moins, est-ce que. J'ai de la misère avec quelqu'un d'autre que. Do it, Dave. Do que it. Mon petit Heller d'amour. Là. C'est... Fait deux fois là, dans les derniers games, là. Dans les derniers podcasts que je le moins. Malodra, je le moins. Bon je l'amoindris. Ah, Malodra. Comment ça, tu sais? Il est moins. C'est quoi le contrat à Malodra d'ailleurs? Un an, 750 000. Il est contrat de merde. Là. Malodra, il est. Y a-tu moins combien de points? Il y a pas de points, un point moins 9. Il y a une passe. Moins 9. Puis le pire, c'est que le gars, il réussit à être moins 9 alors qu'il fait juste prendre des mises en jeu. Puis il rentre sur le banc après, man. Mais ouais, mais il prend souvent des mises en jeu, des avantages. Ouais, il prend souvent des métiers. Mais non, mais. Heller, faut lui donner ça. Heller, Heller, puis j'ai rien d'autre à dire. OK. Bon, ben, je vais donner moi aussi un moins à Heller. J'avais pas le choix cette semaine-là. Je vais donner mon autre à l'autre, là, Tom Gilbert, là. Calice qui est tout le temps sur le cul. M'énerve. Mais Gilbert, puis. Fait pas si mal à l'équipe. Puis Emlyn, là. Il est poche, mais. Dans les dernières games, j'ai trouvé que Gilbert puis Emlyn étaient. Non, ils étaient mieux. Vieux, puis Emlyn a recommencé à donner une coupe de. Un gars qui a ralenti, c'est Gunshar. Cette valeur, on a perdu les deux dernières games. Vieux Gunshar, quand même. Puis ça va faire mal. Si j'écoutais Daniel Dupuis, mais il a raison un peu. En deuxième moitié de saison, Gunshar, vous allez voir, il va être lent, man. Attendre un playoff, ça va être pire. Ah, c'est ça, Mané. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On va le prendre pour les unités spéciales, à la limite. C'est ça. Moi, je le mettrais sa troisième paire. Ouais. Mais Gilbert, ouais. Je sais pas si c'est parce qu'il y a une game en spécial que je l'ai remarqué, il était tout le temps sur le cul. Je dis, mais come on, lève-toi de bout. Là. Hey, t'es en spécial, 50% de rabais. Ouais. Ben, juste pour une petite parenthèse, vite, là. Ça y est. Le plan A de Bergevin cet été, là, avant de signer Gilbert, là, c'est dans le fond, il voulait avoir un défenseur à Toronto. Vous le saviez, c'était qui le défenseur à Toronto? Ouais, il voulait. C'était pas Friend. C'est vrai de ça. C'est Friendzone. Hey, on serait un club complètement différent si on aurait eu ce gars-là à la place de Gilbert. Toronto traderont jamais que. Ben, en tout cas, ils veulent pas vraiment trader. Ben, avec ça a l'air que c'était fait. Qui le veut trade. Pas trader? Ah ouais. Toronto, ils aiment pas ça. Ça a l'air que c'était fret. Le trade, c'était fret. C'était fret. C'est George Fritz qui a dit fuck you. Ouais, là, c'est. I'm not going to Toronto, you son of a bitch. C'est comme mes tops. On va pas Montréal. Ouais. Mais, gars, c'est ramassé avec les Sons. Ben, quoi que sort Toronto, moi, je jouerai avec les Sons. En tout cas, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ben, ça fait le tour de nos plus et nos moins, puis l'appareil n'est même pas fini, ce qui est un miracle. Fait qu'on va passer tout de suite au. Okay, Marc, t'es pas là, puis Alex, c'est pas là, on est quatre. Fait on est quatre, puis on s'ostine pas bien à date. Là, fait on va faire on est tous d'accord. Ouais, allons-y pour un mini résumé des cinq derniers matchs. Bon, on a commencé. Là, on va s'ostiner. Oui, on sera pas d'accord sur le score. Non, c'était 3-2 ce game-là. Ben justement, c'est une victoire de 3-2 contre Dallas, c'est qu'on a pas qu'on commence. Tu vois, t'as l'air dit. Arrête de m'ostiner, suis, man. Rien à dire sur cette game-là. Sur temps de puck. Après c'est ça, trop loin, je m'en rappelle pas. Après ça, victoire contre les Rangers de 1-0. Price qui était à un blanchissage du record de Patrick Roy. Même si c'était 1-0, ça, c'était le bon match. Ouais. Hein, c'était le fun à regarder. C'est du hockey série un peu. Après ça, on a gagné une autre victoire de 1-0 en prolongation. Contre les Capitals. Ça, c'était plate. J'ai pas écouté. Ça, c'était plate. C'était plate, mais Price a gagné le record de Patrick Roy avec 29 blanchissages. J'avais pas le câble. T'avais pas le câble? Je switchais à Belle. Ah. J'ai switché à Belle. Ah non. T'essayes-tu d'avoir la commandite en ce moment ou c'est. Oui. Belle. Belle. Ben, belle, mon câble, pas de problème. Puis, ben, les deux dans la game qui ont été joués, deux défaites de 3-2, une contre les Coyotes puis une contre les fucking Sabres de Buffalo encore. Là. Hey man, notre numéro solide. C'est 3 victoires puis une défaite en prolongation, en fusillade. On les a pas battus cette année. Non. J'ai aucune victoire contre eux autres. Puis la dernière game qu'on gagnait à l'étranger, c'était contre nous autres au mois de décembre. Au mois de novembre, excusez. Ça arrive à toutes les bonnes équipes, puis ça m'énerve pas. C'était mauvais, là. Hey, sérieux, là. Les passes qui passaient dans le slot, là, man, c'était dégueulasse. Ça arrêtait pas. Ça... What the fuck are you doing? Hey, ça rentrait, man, comme style d'une travailleuse de coin de rue. Il y a tout le temps quelqu'un qui faisait pas sa job. D'abord, vu qu'on parle de la game contre les Sabres, j'ai un extrait audio de Jean Perron, parce que, tu sais, on met des extraits audio tout le temps un peu de monde qui dit des idiocités et des idioties. Puis moi, je vais aller chercher à cette heure dans le show à JC Lajoie, parce qu'il y en a énormément des affaires épaisses qui se parlent là, Jean Perron. C'est-tu le résumé complet des matchs? Oui, il y avait juste 5 matchs. Fait que Jean Perron va nous parler de l'entraînement du Canadien avant les Sabres, avant le match contre les Sabres. Nice. Hier soir, là, j'avais envie d'aller voir le regroupement du club de hockey canadien. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. D'habitude, ça en dit pas mal à un coach. Ben moi, j'ai toujours assisté à mes réchauffements pour voir comment mes gars se préparent et ainsi de suite. À la surprise de ma vie... Oui, dans le coin de la bande avec Subin qui sont en train de se faire des selfies avec des partisans du Canadien là, au bord de la vitre. J'ai dit, est-ce qu'on s'en va avec nos skis? Puis là, je regarde mon Carey Price qui checkait, puis regarde ça. Puis les rondelles passaient comme des plombs à côté de lui, puis il laissait passer. Écoute, moi, si je m'appelle Carey Price, puis je vois que les gars s'amusent comme des enfants, ça a l'air d'un club med dans le réchauffement, parce qu'on joue les fameux Sabres de Buffalo, ben c'est mal parti comme préparation de la game. D'accord, pas d'accord que Jean Perron. Il sonne comme un épais, mais ben il n'est pas tort. Il sonne toujours comme un épais, Jean Perron. Ici, il a de la misère un peu à parler. Il n'y a pas tort, je pense. Ouais, mais Jean Perron aurait la vérité absolue puis il aurait la cave. Mais en même temps, non, il n'y a pas tort. Je pense que c'est, avant un match, c'est bien mieux d'être fucking game on puis être prêt que ce soit contre les Sabres, contre les fucking Penguins. Ouais, en même temps, ont-tu pris des photos tout le long de l'entraînement ou c'était pas à la grave, fin? C'est pas grave, c'est juste ça, c'est ton mental que tu n'es pas fou. You're not focused. Tu penses que c'est le fun, ouais. C'est le fun pour les fans puis tout, mais en même temps, c'est comme ça, c'est comme t'es dans la game. Il n'y a pas tout à fait tort, là. Malgré qu'il sonne comme un câble. C'est au premier degré, oui, mais en même temps, j'aimerais mieux voir une équipe prête à jouer. Puis Price a arrêté le premier goaler, first of all, il n'aurait pas bien de puck. Mais ça, c'est ça la job de qui avant, de faire de quoi? C'est la job à Terrien. Ouais, mais le coach est dans la chambre. Ouais. C'est la job de le carry, de Pacioretty, de Subban, de Markov. C'est la job des assistants, mais des capitaines. Il voit ça, il y a des télés, c'est recordé partout. Ouais, mon gars, il va repasser à cassette. Il parle à Jean-Jacques. Mais il y a une affaire que je comprends pas. C'est-tu les gars qui avaient leur cellulaire dans leur culotte ou c'était le Non, ils se mettent en avant, puis ça veut dire que le monde se retournait. Puis ils prennent Ah non, j'aurais pas amené mon sel. Okay, je me demandais qu'il était avec leur sel avec leur gamme. Ouais, juste arrêtons autant en crise. Tu sais, ils prennent des selfies avec du monde dans le fond. Ça va être fort, t'en pas. Tu sais, ils sont sur le sel de son gamme. C'est tellement pas clair ce qu'il explique. Ah, ben, j'aurais pensé ça. Tu sais, ça aurait pu. C'est legit d'y penser, mais. Ouais. Mais en même temps, c'est comme. Gars, c'est faire plaisir des fans, mais Chris, c'est au leader de l'équipe de dire, what the fuck are you doing? Ouais, mais c'était qui dans le coin? Il y a pas de capitaine. Ben, justement. Ça démontre une chose. Subban est immature. Je pense que Subban n'est pas prêt à être un leader dans l'équipe. Subban ne sera pas capitaine. On l'a vu cette année. Ça, c'est pour ça qu'ils ont fait ça, dans le fond. Tu vois, il y a bien le monde qui dit ah, Subban capitaine. Tu vois, ce gars-là, ils ont fait fermer la gueule. Ce gars-là, non. Ce gars-là, c'est pas un capitaine. Moi, j'ai jamais pensé qu'il était pour être capitaine. Façon, avant que je l'ai dit au début de la saison. Subban n'est pas un capitaine. Subban est une vedette. C'est pas pareil. C'est ça. C'est deux choses complètement différentes. Ouais, mais c'est parce que dans une équipe, la tendance des dernières années, c'était t'as ta vedette, tu le calais ce capitaine. Ouais, mais c'est crissement pas une bonne idée non plus. Ça peut donner des astuces de bons résultats comme, tu sais, je veux dire, je pense que Crosby, c'est ouais, la vedette. C'est un bon capitaine c'est parce qu'il a une bonne attitude. Aussi, là, mais tu regardes à l'inverse, tu regardes Ovechkin. C'est dégueulasse. C'est terrible comme capitaine. Ah, oui, je fais le party quand je veux faire le party. Comme on dit que c'est vraiment zéro leadership. Il rate à 100 boissons aussi. Comme on a dit que c'était jamais une bonne idée non plus de mettre ton top scorer comme capitaine d'un team. Ouais, vu qu'on est sous sujet cette année, je dis, on dirait tout le meilleur A, c'est Pacioretty. Ouais. Ouais. Mais en même temps, je pense pas que ça serait un bon capitaine non plus. Ben, pourquoi? Moi, parce qu'il parle pas assez. Non, mais parce que quand l'équipe perd, on dirait qu'il shot down. Quand l'équipe, là, ça va pas bien, il shot t'en, down. T'en as-tu un qui step up quand l'équipe perd, par exemple? Il y ça prend un gars qui travaille tout le temps. Le seul qui fait ça, c'est Price. Ouais, il peut pas non, être capitaine. Ouais, ben je sais, non, Logo. Mais ça, tu, ben, tu mettrais qui d'autre? Ben, il y a Plekanec, Gallagher. Plekanec, je le verrais pas, mais Gallagher peut-être beaucoup plus. Ouais, mais il est trop jeune. Gallagher, non, moi. Ben, il peut pas être trop jeune, mais il travaille tout le temps. Il travaille tout le temps, mais man, sérieux. Ouais, mais en même temps, oui, il travaille tout le temps, mais tu sais, je veux dire, il a pas fait, dans les dernières 10 games, là, il a pas grand-chose qui a fait. Il a pas été souvent sur le scorecard en haut, là. Non. Toute l'attaque est anémique en France. Il jouait, c'est juste le deuxième trio avec Galchenyuk puis l'autre Chris de Tchèque. Là. Non, c'est pas vrai, il jouait avec Dernais. Ça, il jouait avec Dernais. Deuxième trio. C'est catch. Plekanec. Ah. Non, non, non. Quoi? Non, Plekanec, Pacioretty. Non, pas la dernière. Non, ça, c'est le début de la saison, mais là, je pense. Il vient Tchèque. Il vient Tchèque. Il vient Tchèque. Le gars, non, il vient de Plekanec. Ah, des souvenirs de la jasette de cet été-là. Non, non, je parle la dernière game avec les changes encore ses trios. Il jouait avec Galchenyuk, puis c'était qui son centre? Qui ça? C'était Gallagher. Dernier. Gallagher, c'était dernier. Ouais. Okay. C'est dernier Galchenyuk, puis Gallagher. Ouais. Mais c'était bon, pas pire, ça, mais gars. Mais là, c'est revenu Pacioretty avec Dernier. Puis ben là... Ça revenait avec les mêmes trios qu'on là, a en début de saison. Au début, puis là, il a ramené ça à Gallagher. Mais là, finalement, dans les entraînements, ça a l'air de s'aligner. Oui, ce dernier, Pacioretty ensemble. Plekanec est retourné avec les avec deux Gallagher, jeunes. Puis Lars Eller est encore pogné sa troisième ligne avec ses catchs. Pogné? Moi, je le colle, il serait sa 4. T'es poli. Mais si tu te débarrasses. On n'a pas un jeune, man, qu'on peut monter à mettre ça à 3. Il n'y a pas un jeune centre? Au centre? C'est à 3? Non. C'est à ouais, non? Non. Je suis sûr qu'il y en aurait un qui serait meilleur que Eller, man. Qui? Eller, par exemple. Mets du monde, man. Mets du monde. Non, mais à sa défense, Eller, il gagne ses mises au jeu. Mais oh. C'est tout le reste qui soque. Ben oui, il y a gagne qui perd la rondelle. À quoi ça sert? Comment qu'il coûte pour gagner ses mises au jeu 4 millions que 3,5. Malotra fait la même affaire puis il en gagne 700. Ouais, mais lui, il fait pas de but. Ben, zéro, man. Ouais. C'est là qu'on, ben, qu'on voit que. Ben là, il y en a. Il y a 15 points. Ah. Fait que la période est terminée. Ouais, c'est fini. Avant d'aller en entracte, j'avais un audio que je voulais passer. Je savais pas où le mettre. Fait que je vais le mettre présentement avant d'aller en pause. Là. Êtes-vous des auditeurs en mode Salvay avec Eric Salvay? Oui. Je l'ai déjà. Je sais quoi. Cette là, semaine, le soir, connais le nom. Je zappais puis je suis tombé sur une entrevue avec Jean-René Dufort. Puis Jean-René Dufort parle de sa blacklist. Puis il parle de Maurice Richard, sa blacklist. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Fait qu'on écoute Jean-René Dufort nous dire pourquoi il aime pas Maurice Richard. Parce que toi, ta blacklist, ouais. Ça n'arrête pas là. T'as une liste de personnes que t'aimes pas. Ouais. Et là-dessus figure, attachez bien vos trucs. Qui ça? Maurice Richard, de Rocket. Oui. Tu l'aimes pas? Non. Il m'a traumatisé quand j'étais jeune, Maurice. Regarde, ça c'est toi. Ça, c'est moi. T'es où, là, là-dessus? Avec Maurice Richard Chambal, avec la flèche, là, le beau bonhomme. Où ça? Ah, OK. Oui. Ah, ben oui, t'étais beau. Oui, là, j'avais gagné un concours, aller avec Maurice Richard voir une partie de hockey dans forum. Son forum. Et avant, il y avait un souper avec Maurice Richard. Et chanceux. Moi, non. J'ai eu le malheur d'être assis en face de Maurice Richard. Et là, ils nous ont servi comme entrée de la soupe au céleri. Et moi, j'ai dit plus que Tintin, la soupe au céleri. Et à cet âge-là, j'étais intimidable. Et là, t'as le gars, Maurice, qui est devant toi, qui a ses yeux de feu, là, puis il dit « Hey, mange ta soupe au céleri. » Et Maurice m'a forcé chaque bouchée. J'ai détesté profondément ce gars-là. Il m'a forcé à manger au complet une soupe au céleri. Je m'en rappelle encore. Mais moi, je connaissais pas ce gars-là parce que j'étais trop jeune pour l'avoir vu jouer. Moi, je haïssais ce monsieur-là. C'est plus tard que j'ai su que c'était Maurice Richard. Mais ce gars-là m'a fait manger de la soupe au céleri. Et c'est fini. C'est fini. C'est fini. Je le déteste. On trouve les extraits audio ce qu'on peut. Ça se peut-tu frapper sur un gars mort? Hein? C'est de la colisse de merde, ça. Il y a rien du foulu, tabarnak. Qu'est-ce qui se passe à son hostie tête de tapette? J'espère que les gens font la référence. Ouais, c'est l'an 50. Faut faire attention à ce qu'on dit. C'est ça à l'air. Là, nous autres, parlait, c'était Jacques. Nous, c'est du premier niveau. Ouais. C'est tout. C'est le seul niveau qu'on connaît, nous autres. Le premier niveau. Ouais. Alors, on s'en va faire une entrée quand on vous vient pour la deuxième période. On est de retour pour la deuxième période. Ben oui, hein. Ah, oh, c'est même pas une twist cap, ça. Eh hey, oui, c'est une twist cap. Ben, j'ai les doigts qui glissent. Oh, man. Ils sont raides, les boréales. Oh, ben, c'est parce qu'ils sont raides. Pendant que Dave ouvre une boréale comme un homme. Il arrache la bouche. Je me suis ouvert. Il saigne, la main. Mais moi, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, GF porte le pantalon coton ouaté en l'honneur d'Evander Kane. Il est habillé en bleu. T'as pas le droit, GF, d'être habillé tout en gris de même. Puis, il va faire son inventaire. Ben, si ça dérange quelqu'un, I won't lose any sleep over it. Il fait juste ça, ce gars-là. Puis, ben. On va sûrement parler d'Evander Kane à quelque part dans ton affaire. Là. Oui, ça s'appelle la saga Evander Kane sur mon papier. C'est la troisième période, ça. Généralement, on fait des tirs de barrage avec les questions du public. Cette semaine, on n'en a pas vraiment. On en a eu deux. Quelqu'un qui voulait savoir c'était quoi qu'on aurait besoin pour le Canadien pour les échanges. On en parle à chaque. Mais on va sûrement en parler quelque part dans ce que tu as. Un attaquant et un défenseur. Un attaquant et un défenseur. Puis il y a quelqu'un. Joueur. Il y a aussi quelqu'un qui nous a dit si on était capable de faire un show complet sans dire on s'en calisse. Ben ton commentaire, là, on s'en calisse. Fait que voilà. En plus, je l'ai dit dans la question, tu sais, Dan. Voilà, c'est fait. C'est une façon de... C'est un appel. Mais tu sais, juste pour être en sûr... En disant là, sa question, tu l'as dit. Juste vraiment pour aller pousser l'orgueil au max, là. Ça va être la seule fois qu'on va le dire. Non. Ça se peut que non en tabarnak. Ok, bon, mais on va repartir la deuxième avec un autre extrait parce que là, en deuxième, on va parler du Canadien en général. On s'en calisse. Faut toujours aller, on s'en calisse. J'ai un succulent extrait que Jeff m'a envoyé de Terrien qui parle en conférence de presse de la confiance des défenseurs puis du développement des jeunes défenseurs dans la Ligue nationale. Est-ce que c'est bon? Est-ce bon de les envoyer à Hamilton? Est-ce qu'on les perd? Ben, je propose qu'on écoute sa réponse qui est, ben, ma foi, succulente. Là. La confiance rentre beaucoup en ligne de compte. Quand un jeune s'habitue au pace. Au pace? S'habitue. Déjà, quand on arrête beaucoup de confiance, capable de prendre de bonnes décisions. Quand que la confiance, quand on fait des erreurs à répétition, souvent les mêmes erreurs, donc là, tu perds un peu une certaine de ta confiance. Tu sais, parler pour rien dire. Là, après ça, quand tu perds ta confiance, là, tu t'aperçois que ça commence à aller vite. C'est comme faire du patin roulant, t'es cyclable, ça va vite. T'es déjà t'es collé. Si on te demande d'aller faire du patin roulant sur l'autoroute, tu vas t'apercevoir que ça va un peu trop vite. Là, tu perds confiance. Donc, il y a toujours l'aspect confiance là-dedans. Et c'est là que c'est dur, c'est pas évident. C'est pas évident pour des jeunes défenseurs de s'établir, avoir cette confiance-là, avoir la constance de bien performer match après match. La Ligue nationale, c'est pas une ligue de développement. On se doit de développer des gars, d'être patient à un certain point, mais quand on voit souvent les mêmes erreurs à cause que là, la confiance rentre, est affectée, bien là, c'est là que tu peux faire mal à un jeune. C'est mieux de le tasser, continue. Tu vas être capable de travailler, tu vas revenir éventuellement, tu vas aller chercher, tu vas être, cette confiance-là va être revenu, là tu peux continuer. Mais quand tu repères un peu cette confiance-là, par un paquet de petits facteurs, faut pas non plus perdre le jeune, faut pas les perdre ces jeunes-là. C'est pas à cause qu'on les envoie dans la Ligue américaine, on va les perdre. Ok, là. Il est où le jeune? J'aimerais que les gens qui nous écoutent en audio viennent voir ça en vidéo. JF a craché sa bière pendant partout, l'extrait. Man, partout sur le laptop, j'en ai reçu en face, je pense. Je l'ai su, je sais où t'as faim! Je pensais que c'était Dave, je commence un peu m'atteindre. Ça est allé partout. Oh mon dieu! Ça a spreadé sur le côté. 180 de chaque bord. Lui, il attaque tout le monde, man. Oh my god. Il mise partout. On repart ça. Je veux entendre le début quand il dit caca. La confiance rentre beaucoup en ligne de compte. T'es un peu là. Quand un jeune non, c'est pas là. S'habitue au pace. Super au pace. Il joue quand on avait beaucoup de confiance. Il est capable de prendre de bonnes décisions. Oui, on s'est cassé. Quand que la confiance. Quand que la confiance. Fait, on ne réécoutera pas. Là. C'est bien. Quand que la confiance. Quand que la... Hey, dis confiance combien de fois. Il faudrait faire cet le extrait-là. Count, genre. Ouais, on pourrait. Cet extrait-là dure 1 minute 45. Puis il doit répéter confiance 40 fois là-dedans. Après ça, c'est la constance. Constance. Hey, puis, tu nous as poivré, mon gars. Non, excuse-moi. Tout ça pour dire que si tu perds ta confiance, ça va vite. C'est à peu près ça, là. Ouais, puis il peut te perdre. Non, il peut perdre les jeunes. Puis il disait que. T'es pas dans le enfants. Il peut perdre les jeunes. Non, mais il disait que la NHL, c'est pas une place pour développer du talent. Mais c'est pas une place pour développer les jeunes. Bah. Puis quand t'es sur la 20 en basic, tu peux pas faire ça. Il a changé le mot confiance pour constance à un moment donné. Ouais. Il est comme, varié. On dirait qu'il donne des explications pour aider d'autres podcasts à mieux comprendre le hockey. Ouais. Check. Excusez. C'est pas moi qui parle. C'est la bière qui est dans l'écran. Oui, du laptop c'est, qui parle. C'est ça. Non, c'est une blague. Bon, ben, on va passer à l'autre sujet parce qu'on a comme manqué l'extrait un peu en l'écoutant. On était trop crampé de toute cette bière. Voulez-vous parler de l'article de Brendan Prost cette semaine? Je l'ai pas lu. Ouais, ben oui, c'est intéressant. Je vais vous laisser aller, j'ai pas lu l'article. Ah, c'est vraiment, c'est quelque chose. Ah, l'article sur les combats. Sur les combats, c'est vraiment un super bon article. Je vous le recommande. Vous pouvez pogner ça sur... notre page Facebook. Oui, ben, notre page Facebook, effectivement. Notre page Facebook. Eh oui, regarde, pas besoin de chercher. Faites-en un petit résumé là, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, là, dont moi. Là. J'ai lu vite en diagonale. De faire résumé ou... Si je t'arrête, ben en fait, ce qu'il parle, c'est. Ben oui, c'est, ce qu'il parle, c'est qu'il parle de pourquoi les bagarres dans la Ligue nationale sont importantes, puis il explique la raison vraiment en détail. Là. On peut pas aller dans tous les détails parce qu'il va vraiment pousser le détail loin. Un peu son Michel. Non, mais je sais pas comment le dire. Mais dans le fond, détail, c'est ça, c'est l'importance des combats dans les games de hockey, que ça peut changer l'allure d'un match. Il parle que ça peut être un game changer. Il parle que ça peut aider à justement empêcher la violence au hockey dans le sens que, tu sais, je veux dire, s'il y a des joueurs qui s'attaquent à quelqu'un dans ton équipe, puis que tu réagis pas, tu fais rien, ben tu vas prouver aux autres équipes de la Ligue que ben c'est correct de s'attaquer à ton équipe. En même temps, c'est comme vous dire que vu qu'un Brendan Prost faut qu'il protège Pacioretty, ce serait à la Ligue de protéger Pacioretty. Oui, peut-être. Pas à lui de peut-être, faire. Mais c'est Ligue, poche pour la Ligue. Mais la Ligue le fait pas. Ben c'est fait ça, mais besoin, la Ligue besoin de gars comme ça. Ouais, ben, la Ligue aux États fait son argent, c'est la violence au hockey. Dans en bien des équipes. Souvent, là. Il y en a d'autres, puis il donne des exemples concrets d'une bataille qu'il y a eu contre un joueur des Flyers. Puis contre Anaheim aussi. Contre Anaheim aussi. Tu sais, il dit je me suis battu contre un gars des Flyers pour la seule et unique raison qu'il faisait son show. Puis si je m'étais pas battu contre, ben j'aurais pas. Il y aurait eu la cave. J'aurais eu la cave. Mais sauf qu'il dit à cette heure que moi je l'ai fait, si dans une game on joue contre les Flyers, puis que nous autres on tire de l'arrière. Il venait 3-0 quand le gars des Flyers a fait sa petite scène. Ouais. Il dit, si on joue une game contre les Flyers puis qu'on tire de l'arrière puis que j'y demande de rendre la faveur, ben je vais m'attendre à ce qu'il me la rende. T'sais. En tout cas, ça va vraiment loin l'article. C'est super intéressant. Mark, il l'a lu aussi. Je suis sûr qu'il serait bien content d'en parler. Ouais, on sait bien. Lui, la bataille. La pause de la violence. Un joueur comme Prost, j'ai aucun problème avec ça dans les nationales. Tu veux te battre, tu veux jouer au hockey, parfait. Prost, c'est pas un joueur unidimensionnel. Il fait d'autres choses que juste se battre. J'ai un problème avec un gars comme John Scott qui sert à fuck all, man. Ou comme George Blackhack. Mark, il sait qu'est-ce que je pense de John Scott, anyway. Fait que je dis, pour moi, c'est pas un joueur de hockey. Ça sert à rien. Il fait rien, man. Non, ouais, les batailleurs, c'est fini. T'en auras plus de ça. Après, John Scott, en fait, ça s'en va, là. Ben, il n'y a pas juste lui. Ben, ça prend des enfants. Chris Neal, c'est un gars qui est un peu non, comme ça, c'est pas pareil parce qu'il joue au hockey. Chris Neal, c'est meilleur, ça, puis il se bat aussi, puis il est bon, là. Pareil qu'il va être sur le marché. Oh! Oui, mais... Le prendriez-vous à Montréal, Chris Neal? Oui. Pour les playoffs, ça serait malade. Mais tout ça pour dire que des estis de journalistes sans dessin comme Philippe Quentin puis c'est pas Philippe. Philippe est quand même une belle petite voix smooth. Mais non, mais tabarnak, le gars là, il me relaxe. J'ai pas sorti le doigt bientôt. Moi, il me stresse, ce gars-là. Est-ce que c'est Chris de Barnick? C'est fini ce temps-là, des Barnick à la Clark Kent. Je l'écoute. Mais ce que j'aime pas de Philippe Quentin, premièrement, tu sais. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de l'air. Oh, il compte les bagarres, blablabla. Mais tabarnak, Chris Esti, c'est du hockey. Tabarnak, Chris Esti. C'est du hockey. Oh, le call-out finger est sorti. À quoi tu t'attends, Quentin? C'est du hockey, c'est pas un sport de femme. Mange mon pain, Mathias Brunet. Oui. Ça aurait été dit. Alex, il l'aurait dit s'il serait ici. Je l'ai dit pour non, mais vraiment, les gars, êtes-vous pas au compte? Vous êtes tous pour les bagarres, non? Vous êtes tous pour les bagarres? Ben. Pas stagé, là, mais tu sais, vraiment quand c'est sérieux. Là. Oui, oui, dans l'état actuel de la game, je pense que c'est encore nécessaire. Mais à un moment donné, c'est. Mais ça va disparaître. Est-ce que c'est nécessaire dans le sport en tant que tel? On s'entend, là. Le hockey, c'est vrai que c'est un sport physique, mais il y en a d'autres sports physiques. Le football, c'est un sport physique. Le hockey, c'est la seule ligue de sport professionnel qui permet aux joueurs de se battre. Une vraie bataille. C'est correct, là. Tu peux te battre, tu droppes les gants, tu te calisses des coups de poing sur la gueule, puis après ça, t'as une pénalité de 5 minutes, puis après ça, tu reviens au jeu. Mais ben, c'est vrai qu'au football, tu n'as pas ça, au basketball, il y en a pas. Si tu fais ça, tu te fais sortir de la game automatique, là. Puis ça se peut être une sanction par après, là. Fait que, tu sais, moi, je pense que la NHL fait peut survivre comme la NBA ou la NFL qui a pas de bataille. Tu sais, oui, il va y avoir des accrochages et tout, mais. Mais en même temps, tu sais. Et ont-tu peur de perdre un marché aussi? Complètement. Je pense que c'est ça. Moi, c'est des puristes. Mais tu serais-tu prête à l'enlever complètement? Non. Je sais pas, moi, si je suis prête présentement. Ok, on l'enlève pas complètement, mais tu te bats, t'es suspendu une game. Un amende. Ben, au pire, tu finis pas le match. Mais tu sais, ouais. Non, mais. Ouais, c'est pas quoi, arrivé complètement. Une affaire grave qui arrive. Ça va arriver. Mais comme, mettons le cas de Kreider sur Price, là. Mettons qu'un gars, il décide de crisser le volet à Kreider. C'est une autre affaire. Ça, c'était à NHL encore, le protégé goaler. Puis Michel Therrien l'a dit. Ouais, il en a parlé aujourd'hui, ouais. Ça, c'est pas au joueur d'être obligé de faire ça. Hey, justement, c'est à Quintal de réagir. Non. Quintal, il applique juste les règlements. Puis il n'y a aucun règlement pour ça. C'est aux directeurs généraux. Puis l'affaire des gouverneurs. À modifier le règlement. Quintal, il applique juste le règlement. S'il n'y a pas de règlement concernant ça, il peut pas rien faire. Le vrai problème, j'écoutais, là, vas-y. C'est fucking Gary Bettman avec ses running shoes à Maison-Blanche. Ah, calice. C'est qu'il a l'air épais. Des souliers avec à 100 piastres. C'est du Batman à la marque. C'est des Merrell. C'est des Air Jordan. Honnêtement, la marque, là, j'en ai rien tiré. C'est des Air Jordan. Vous savez, c'est bien trop là pour les Air. Ils le président en plus, puis il met des souliers de même. C'est les Nike de Back to the Future. C'est les Air Jordan. Il s'est dit, le président est noir. Michael Jordan est noir. C'est ma relation dans ma tête. Voilà. Non, ça fait dur, ça. Il devrait avoir une amende pour ça, pour cette vestimentaire. Il devrait avoir une amende pour souliers lettres à la télé. Ouais. N'importe quel linge là à la télévision. T'es souliers sont lettres à la télé, toi. Eh oui. Mais hey, il y avait un. Quand je m'en venais tantôt à la radio, il y avait Danny Dubé qui parlait de justement des gars qui rentrent d'un gardien. Ouais. Ça a l'air qu'il va avoir un article dans la presse demain. Oh. Puis il expliquait. Puis là, on peut parler de ça un petit 5 minutes. Là. Oh, ouais. Qu'est-ce que vous pensez? Lui, il disait, mais là, il explique mieux ça a l'air dans le journal, dans son article. On mettra l'article sur notre Facebook. Non, c'est la presse plus. Ah, oh, Chris. J'ai dit quoi? La presse. Ah, c'est dans la presse plus. Ah, ben, quand? La presse, c'est la presse plus, non? Ben, je pense que c'est juste. Non, tu l'as en papier aussi. C'est la même affaire. Puis ça a l'air qu'il y a des belles images, là. Puis il dit qu'il réserverait un périmètre autour du but de 3 pieds. Comme au soccer? Comme au basket. Que les joueurs d'avant peuvent pas arrêter. Les joueurs d'avant peuvent pas arrêter dans cette zone-là. Faut que ce soit en mouvement. Ah ouais, ah, c'est pas fou. Hein. Ouais, ça mais en même, temps, goaler, en même mais... temps. Mais si t'arrêtes pas puis tu rentres dans le goaler, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça. Mais il disait que combien de matchs, combien de fois, 18 fois que Price a fait rentrer dedans depuis le début de l'année, 18 charges, pas 18 fois. Sur Price, ouais. 18 fois. 18 fois depuis le début de l'année, il a été chargé. C'est ça que j'avais pas compris. J'ai compris 18 fois, mais je pensais pas que c'était sur Price. Il a été chargé 18 fois, puis il y a eu 5 fois là-dessus qui ont été pénalisés. C'est ridicule, sérieux, là. Pour moi, tu charges un goaler, c'est une pénalité automatique. C'est un match sur deux, man. Ouais. Non, mais on s'entend que, tu sais, avec Price, là, c'est notre joueur le plus utile cette année, c'est sûr et certain. Ah, ouais, tout à fait. Là. Le mot qui va se passer pour nous battre en playoff, ça va être c'est quoi? C'est rentrer dans Price. Tabarnak. Ouais. Hey, justement, vous me faites puis tellement. Puis en plus, regarde, ça s'est fait l'année passée, puis on a été sortis un peu dans des séries. Mais c'est pour ça que Michel, aujourd'hui, a fait une sortie. En deuxième moitié de saison, c'est parfait. Ben, moi, ma sortie, je l'aurais faite à Bergevin, j'ai dit, va me chercher quelqu'un qui a pas de crisser des volets. Ça change rien. Mais oui, ça prend quelqu'un pour le protéger. Mais ça prend. Ah, parce qu'on a Gallagher qui fait la même affaire de l'autre bord. Bruss, c'est d'expliquer sur le troisième paragraphe de son article. Il fonce pas dans le goaler, par exemple. Ouais, mais il l'a déjà fait. Parce que c'est ça que le règlement de Danny Dubé fait en tant que tel, c'est que ça empêche pas juste le joueur de foncer dans le gardien, ça l'empêche de rester dans le demi-cercle puis de tomber sur le gardien. Ouais. Mais en même temps, ça l'empêche pas vraiment parce que s'il passe en même temps qu'il y a un tir pour voiler la vue du gardien puis qu'il se fait plaquer, il va tomber dans le gardien pareil. Fait que... Là, j'ai d'avoir une image de Lucic qui rentre dans Ryan Miller. T'as eu une épiphanie. Ah ouais, j'ai vu ça. C'est comme une épiphanie. J'ai craché ma bière mentalement. <là. Wow. rire> Mais ouais, mais non, mais ça, gars, justement, il reste... C'est des choses comme ça, il faudrait arrêter parce que pour de vrai, t'as pas le droit de frapper Ah, oh, faut protéger, comme qu'il disait, faut protéger les bâtons élevés pour protéger les yeux des attaquants. Faut protéger ici, faut protéger ça, mais les goalers, on protège pas. Les goalers, on protège pas ça, mais tu sais, au détriment, parce qu'on veut pas empêcher l'offensive. Non, c'est ça, faut faire des buts. L'offense, c'est ça qui est important, puis il faut faire des buts. Fait que là, c'est quoi tu vas faire? Tu vas aller chercher un défenseur, genre gros format, qui est mobile, qui est fort, qui a une bonne première passe. Tabarnak, man, il y en a. Non, mais tu veux faire des buts. Ça, ça court pas les rues, là. Plus ça avance, plus les goalers sont bons, puis plus c'est difficile de marquer des buts. Ouais, mais tu devrais pas pouvoir rentrer dedans puis les blesser. Non, tout à fait. C'est vraiment là, c'est ça que ça, on a dit. Bah, ben, tu sais, on va laisser ça parce qu'il va y avoir des buts. T'sais. C'est trop facile, je pense, aujourd'hui, en blâmant ça sur ah, le sport est tellement vite, tu sais, je peux pas arrêter, nanana, de faire comme ah, j'ai pas pu arrêter ma chute, j'ai pas pu contrôler ma chute. Ben ouais, mais ok, ben, gars, l'exemple qu'il disait, c'est comme Ryder. Si là, Ryder aurait tombé de même nice. Devant la bande, pas devant le goaler, c'est drôle, il n'aurait jamais tombé de même. Il n'aurait jamais tombé les pieds en avant. Ça serait blessé. Il serait blessé. C'est drôle, il aurait tombé différemment. Ça que Michel disait aujourd'hui. Ah, c'est drôle, sur le bord de la bande, ils font pas ça. Mais quand il arrive devant le goaler, par exemple, oh, là, c'est encore lisse. Non, mais c'est pas grave. Il y a les pads de Price. Price, le net pour l'arrêter, man. C'est un coup de c'est la seule fois, même, c'est la seule fois que les joueurs tombent comme ça. C'est ça. Puis mettons, tu joues au hockey, là, puis ça t'arrive la même affaire à toi. Là. C'est sûr et certain, le goalie, tu t'en calisses. Puis il savait en esti. Ah, parce que non, mais tu sais, c'est comme t'es mon esti, je viens de t'accrisser le shot. Ben oui, il était content. Prochaine fois, ça va peut-être avoir plus peur, puis ça va rentrer. Ah non, j'ai goût de le voir, puis d'y crisser une volée. J'ai vu Jean Perron. Ouais. C'est pas un fever dream que t'as, c'est vraiment Jean Perron à télévision. Là, on parle que Price est notre meilleur joueur. Pour le Canadien, j'ai un autre extrait audio encore du show à JC Lajoie. Ce coup-là, c'est Georges Larac qui parle. Parle contre Terrien et contre la direction, en fait. Selon vous, est-ce que le CH est-il mal coaché? Ça va pas bien, mon affaire. Est-ce que les Canadiens sont mal coachés? Est-ce que Michel Therrien se fie trop sur Carey Price? Voici les commentaires de Larac et on en reparle après. On a louangé beaucoup Bergevin, Michel Therrien, puis les coachs, puis ce qui se passe avec le Canadien, puis avec leur succès. Mais moi, je suis pas d'accord. Succès. Parce que justement, tu regardes l'équipe jouer, OK? Les Canadiens, ils donnent beaucoup trop de lancers, beaucoup trop de chances de marquer, puis ils se font plus, ils se font toujours outscorer à chaque match. L'équipe adverse lance toujours plus souvent que le Canadien. Outscorer, mais tu regardes dans le temps, là, Jacques Lemar, quand il y avait l'équipe de Minnesota. Il n'y avait pas une bonne équipe sur papier, mais il fermait tellement de jeux, c'était une bonne équipe qui était faite défensivement. Avec les joueurs qu'il y avait, il n'y avait pas le choix. Puis ça, c'est une équipe qui était bien coachée. Michel Therrien, sans Carey Price, il n'y a pas d'équipe. Donc le fait que le système de jeu fait en sorte que ton gardien doit faire des miracles à chaque match pour gagner, t'as pas un bon système de jeu. Le Canadien n'est pas bien coaché. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il donne tellement de chances de scorer qu'on peut pas dire oui, tout le monde est content, oui, ils sont premiers, ça va bien. Mais à cause de Carey, tu l'enlèves, ils sont pas là. Mais tu regardes comment les lancers, qu'est-ce qu'ils donnent? Je trouve que le système de jeu, il est pas bon. Je trouve qu'ils donnent trop de lancers. Je trouve que le jeu est pas assez fermé. Avec les effectifs qu'ils font, c'est quoi le système de jeu du Canadien présentement? Moi, c'est quoi? C'est ce fier Carey Price, mais il est pas assez bon. Donc, on peut dire qu'on peut avoir tel joueur qu'il faut qu'il arrive. Marché de transaction, le monde parle. Tu sais, on rêve d'avoir lui, d'avoir ci. Mais avant tout, si on peut un système de jeu qui est meilleur pour donner moins de lancers, moins de chances de compter, ils vont jamais gagner. Parce que Carey Price, il va être brûlé à la fin de l'année. Il peut pas faire des miracles à tous les matchs. Puis dans les séries, tu peux pas penser qu'il va tout faire à lui tout seul. Il faut un meilleur système de jeu. Puis ça commence avec les entraîneurs. Donc, c'est pour ça que, tu sais, à force de toute l'année, on parle toujours de la même chose, de Carey. Mais le système de jeu, c'est pas normal qu'à chaque match, tu reçois autant de lancers. Je suis d'accord sur un point que il y a trop de lancers. Bon, il y a de la merde dans ce qu'il dit. Ben, Larac, en partant, je pense qu'il est biaisé. Les lancers, c'est vrai. Il était en crise. Il était en crise contre Therrien. Ben, oui, mais... Il a déjà été coaché par Therrien. Il était en crise contre, on dirait. On s'entend-tu que, je veux dire, le système de jeu, là, c'est dur de blâmer le coach si on sait même pas si l'équipe le respecte. C'est pas assez drôle parce qu'il y a des games que l'équipe... Ouais. Quand l'équipe respecte puis joue plein de matchs, mon gars... Pourquoi il y a des games que ça va super bien puis que le Canadien joue bien défensivement puis contrôle le jeu très bien, puis des games que ça marche pas? On les gagne pareil parce que justement Carey Price est là. Mais y a-t-il une raison à ça? Peut-être que c'est parce que les joueurs ne respectent pas tout le temps le plan de match. Il a dit Therrien se fie sur Carey Price, mais Carey Price, il est pas assez bon. T'es-tu malade, calice? Voyons donc, là, qu'est-ce qu'il raconte là? Esti, qu'est-ce qu'il y a? Le vidéo à Life Freeze, c'est pas bien grave. Ouais. Je sais pas, moi, je me mange juste. Mais Georges Larac, est-ce végétarien qui pèse 300 livres? C'est pas végétarien, c'est un végétalien. Ah, oh, ben, sacrément, m'en connais-tu, moi? Lui, après du game, il était brûlé. Chips, c'était pas un légume. Tabarnak! Non, non, mais vraiment, Larac, là, son esti de problème à lui, c'est qu'il a une crise de grand gueule, puis j'espère en esti qu'en Norvège, esti, il va pogner une pneumonie, esti. OK. Ouais, ben écoute, après du game, lui, il était brûlé, il était pris un patiné. Je suis pas capable de se caler ça. C'est pas battu, son. Mais pour le vrai, moi, j'entends parler, j'ai aucun respect, je m'en calisse pas, je m'en calisse. De genre? Ouais, je viens de le dire. Je m'en calisse. Et puis le pire, c'est qu'il essaie de partir un club haïtien là, pour du hockey sur le gazon. Hein, c'est vrai, ça? Oui, c'est vrai, j'ai lu ça cette semaine. C'est comme l'affaire de Bob Slick. C'est ça, j'allais dire avec John Candy. Qu'est-ce qui va se passer? Les champions. En avant les champions. Alors, il est allé au consulat, il a fait les démarches, tout ça. Il essaie de convaincre plusieurs Québécois haïtiens de jouer au hockey pour présenter leur pays à la Coupe du monde du hockey sur balle sur gazon. Avec le petit bâton, là, comme... Petit bâton qui a l'air d'un genre de bâton de golf. Ouais, ben non, c'est bien, avec leur bâton, les Haïtiens jouent avec leur carotte. Je rentrais pas dans ces commentaires. Ah, à l'épisode 7, c'était les Portugais avec les petits pénis. C'est les Haïtiens avec les grosses graines. Avec leur maillot. On est allé dans les deux ans. Parlant de maillot, l'amende de 2000$ à Souban, vous voulez voir parler? C'est un excellent lien que je viens de faire là. Ouais. Tu parlais de la maillotte de Souban. Ouais. Il faut pas en faire. Il avait agi comme une maillotche. Pour le vrai, à TV, on le voyait pas vraiment qu'est-ce qu'il avait fait. Non, c'est parce qu'il a fait comme une grimace ou je sais pas quoi à Cry 2. Non, mais, 2, mais j'ai vu un extrait aussi qu'il tombe comme entre deux jeux puis il fait une jambette à quelqu'un. Ben, c'est pour ça que je sais pas si c'est ça qui est. Qu'est-ce qui est pas clair, c'est que t'as des réseaux qui parlent de cette séquence-là puis t'as d'autres réseaux qui parlent de. Moi, je pensais que c'était l'affaire. Moi, je pensais que c'était l'affaire. Je vais plus me fier sur les réseaux anglophones que les réseaux francophones, puis je nommerai pas TVA Sport dans ce cas-ci. TVA Sport. C'est vraiment, là, d'après moi, c'est le rire qu'il y a eu avec Cry 2 parce qu'il voulait pas acheter les gants. Fait que c'est embellishment pour ça. Ça vous paraît parce que you can go to someone. Genre, can tu peux y faire comme. Moi, ouais, mais je pense. Mais en même temps, moi, je pense que Subban, il est juste visé, man. Ouais, c'est ouais. Mais c'est parce qu'il y a déjà un avertissement. Fait qu'en partant, il est comme étiqueté. Comme, c'est le premier, d'ailleurs, à avoir une amende pour embellishment. Mais Marshall, c'est pas le premier cette année. Marchand, lui, comme non, cette année, c'est pas le premier. C'était qui le premier Marchand, genre? Avoir une amende? Je pense que le premier, ça a été Marchand. Ou en tout cas, Canadien, ça a été une amende? Qu'il y a une amende? Non, l'amende, c'est le deuxième avertissement. C'est le deuxième avertissement, l'amende. C'est ça? Parce que ça a dit souvent avoir l'amende, ouais. Ah, ok, ouais, c'est vrai, ça se peut sur le premier de bord. Mais j'ai aimé. Le pire dans la game, c'est Marchand. Le premier qui a été averti, ça a été Marchand, je pense. Un des premiers, là. Puis avez-vous le commentaire de Prost par rapport à ça, l'embellishment de Subban? Il a dit « Ce gars-là est tellement radin, est-ce qu'il ne mangera pas au restaurant cette semaine? » C'était une joke là, amicale. Ah oh, ouais, c'est ça. Bon. C'est sûr. Fait qu'avant d'aller en deuxième entrée... On fait des jokes sur les Noirs pendant le mois des Noirs, hein? C'est-tu le mois des Noirs? Oui. Ah. C'est le meilleur timing. Avant d'aller dans un track, Jeff, t'as des stats du CH à nous donner, je pense. Ouais, les gars, si ça vous tente d'être en tabarnak, c'est le temps. Là. Sortez le doigt! Okay. C'est des stats qui sont sortis cette semaine dans la presse, pour ceux qui l'ont pas lu. Pas Philippe Quentin, toujours. Ben oui. Tu sais, pour dire que, mettons que la RAC, c'est de la merde, ce qu'il a dit, là, je pense que le gros problème, c'est vraiment là, la production du 3e et 4e trio. Regardez ça, dans les 11 derniers matchs. Le Pendulum Plus, il y a 2 points. Sekatch a une passe. Puis après ça, Lars Eller, Manny Malhotra, Miguel Bournival, Christian Thomas, Gabriel Dumont, Andrietto, Parento et Delarose ont Parento de dire après, Delarose a joué une game. Il est ça à l'est. Delarose a joué une game. Mettons que tu l'enlèves. Tout, là, moi, ce que ça me dit, c'est que les deux derniers trios, là, ils ont juste 3 points dans les 11 derniers matchs. Hey, c'est normal, t'as oui sur le premier. Delarose, une game, puis Dumont, 2 games. Thomas, 8, moins 3. Thomas, je l'aime, pardon. C'est Thomas. Ouais. En passant à Gabriel Dumont, je disais tantôt, là, c'est un centre. Hein. Ah, ouais, c'est un centre naturel. C'est moi ça, c'est la troisième ligne. Ils ont fait jouer, je pense, à Mané au centre à la place de Malhotra. Hein, à la place de Lars Eller. Ah, ben oui. Ah, Chris, ça, je suis d'accord. Regarde, ils ont fermé les Ellers au Québec. Ben, c'est ça. Ferme les livres avec Lars. Puis il y a une autre affaire c'est aussi par bon rapport ça. À. Comme quoi que l'attaque a fait dur en Esti, c'est le soutien offensif d'une équipe à son gardien de but. Le premier, c'est M. Mandela, Jonathan Bernier. À Toronto, on s'entend que Toronto sont pourris. Là. C'est 1,47 buts comptés en 60 minutes dans les 9 derniers matchs. Carey Price, on a compté 1,85 buts dans les 8 derniers matchs. Après ça, c'est Buffalo, 1,86. Dans le top 3, là, c'est deux clubs esti, qui ne font pas les séries. Là. Hey, Price, autres, là. C'est fou, man. Une chance mais qu'il mais Pittsburgh, est là. Ouais, Pittsburgh est là, mais c'est à 2,09. Puis Fleury, c'est parce qu'il est pourri en tabarnak. Ouais, j'ai dans mon pool, man. C'est dommage, tu gagneras pas. Ben oui, je gagne. Ben, on en parle de Fleury en 3. Cette blanchissage, man, c'est payant, tabarnak. Puis, pour terminer pool. À ça, là, ouais, ça, c'est pool. La pire affaire, je pense, qu'on peut voir. Puis c'est là que je pense, malheureusement, que Bergevin n'a pas fait le travail. Production du Canadien par match au nombre de buts. Okay? On commence en 2010-2011. Ça, c'est l'année après qu'on ait fini en finale d'association avec Alak. 2,19 buts marqués. On est 22e dans la ligue. En 2011-2012, on descend à 2,09. 2012-2013, 1,86, mais c'est une saison écourtée. 2013-2014, 1,85. Puis cette année, c'est 1,47 buts marqués par match. Tu sais, quand on a mangé des volants en début de saison, là, on se faisait blanchir. Là. Ouais, pas mal. Ouais. I remember les games qu'on perdait, c'était ça pas ça va blanche. Jouer contre nous autres dans les séries, ça. Ouais. Ça prend du renfort à l'avant. Ouais, ouais, absolument. Ça prend, ça prend, droit. Ça prend du renfort depuis à l'avant, puis ça prend du renfort à la défense. Ça prend 1-1 de chaque bord. Mais tu sais, le joueur parfait serait à la défense, je prendrais. Un quoi? Défenseur offensif. Un défenseur défensif, ouais, ouais, ouais, full pin. Là. On appelle défenseur offensif. Un Georges. Non, non, un méthode. Ben non, mais je veux dire, il nous manque quand même, Georges, quand tu sais que ça. Il bloquait des lancers, il avait une bonne première passe, man. Il était tout dans les. Ouais, points. Georges est encore dans les top pour bloquer des lancers. Georges, il nous a fait. Il nous a coupé la médecine. Georges ou Gilbert, tu sais. Non, puis c'est ça. On va mettre une poche de sable en face de Carrie. On a perdu contre Buffalo. Je veux dire. La game qu'on a perdu contre Buffalo, là, on a goûté notre propre médecine. Georges, il en a bloqué un esti des tirs. Ouais, là. Non, non, mais je veux dire. J'ai dit comme Georges. Ça peut être un autre joueur. Mieux que Georges. Mais Weaver, à la place de Gilbert. Weaver, c'est ça sa job, bloquer des tirs. Là. Ouais, mais Weaver, cette année, à date, je pense qu'il est fatigué. Là. Ouais. Fatigué, Chris, il a pas joué. Ben justement. Chris fait un mois et sur le bas. En plus, il a joué. Il est fatigué. Il a joué il y a pas longtemps. Il a joué okay, okay. Ben, c'est ça, mais tu vois, après. Il est bien brûlé. Il est brûlé après. Ben justement, là, on parle de ce qu'on aurait de besoin. Il y a Papa Cassette qui est dans la chat room qui nous demande, y a-t-il un agent libre ou une transaction qu'on voudrait faire d'ici la date limite des échanges? Qu'on voudrait faire? Ouais. Quel joueur qui on nous allume? On a parlé tout de suite ou on a ben, on peut en faire rapidement parce qu'on a d'autres choses en troisième, là, mais. Quel joueur que tout le monde. Aujourd'hui, Jagger, que supposément serait bon ailier droit pour le Canadien. Je le prendrais pour la fin de saison, les playoffs. La seule affaire que j'aime pas de Jagger. Ah, c'est ça. Jagger, ça vaut un choix repêchage probablement, mais la seule affaire que j'aime pas de Jagger, c'est parce que dans les playoffs, là, dans les dernières années, mettons depuis son retour au jeu là, avec les Flyers, dans les playoffs, Jagger, c'était pas fort. Ben, l'année passée, il était pas pire. Non, mais j'ai pas hésité. L'année passée, il n'a pas fait des playoffs. L'autre année d'avant. Non plus. Non. Non. Jagger dans les playoffs. Mais non, c'est pas vrai. L'autre année d'avant, il s'est rendu en finale de la Coupe avec Boston, mais il n'a pas fait grand-chose. Ouais, mais il était là. Il jouait même pas. C'est vraiment dur à dire pour vrai les agents. Ben écoute. Puis, ben, ils ont parlé beaucoup de Vermette. Vermette, ah, je veux pas. Vermette, ouais, mais Vermette, là, c'est parce qu'il veut l'échanger. Puis il demande la lune. Il demande un espoir, un choix. Non, mais mettons, on va chercher comme il à Lavanec. Puis il renouvelle son contrat l'année prochaine. Ouais, puis il demande 6 millions, man, ce gars-là. Ouais, mais mettons que tu 6 fucking millions, man. Quand il a joué contre le Canadien, il a pogné 2 pénalités en zone de location, man, c'est ça l'affaire. C'est que pour joueur de location, il demande gros. Vanek, l'année passée, c'est bon. Ça, c'est l'autre, le DG. Ouais, le style malade. Il demande genre. Un prospect, un jeune. Un prospect, un bon jeune. Puis un joueur établi. Un joueur qui. Ouais. Fait que tu sais, je veux dire, pour un joueur de location, là. Fait que c'est comme un Heller, un Hudon, puis. Ben bref, choix, pour, un choix, pour répondre à Papa Cassette, malheureusement, je pense que cette année, là, dans les joueurs autonomes, là, il n'y a pas grand-chose grand vraiment chose. À la liste, là. Il n'est pas alléchante pendant tout. Ça va être un échange, mais en même temps, je suis pas capable de voir qui va aller chercher. Peut-être qu'on regarde avoir un steal de l'année passée. Il y a Jagger qui est disponible, tout ça, mais à part de ça. À part l'année passée qu'il y a eu Vanek, là, puis tu sais, même à ça, il n'y a rien foutu d'un crise de série, là. Pour de vrai, par exemple, c'est un échange de maîtres, ça. Ça, c'est un échange. C'est le meilleur joueur disponible. C'est le meilleur joueur disponible, mais. C'est la course à Vanek, là. Je serais surpris cette année de voir quelque chose d'aussi. Ça va arriver, je pense. Moi, j'y crois pas parce que. Pour le Canadien, ouais, ben, même, pas aussi gros, ligue, mais il y a quelque chose qui va arriver. Je serais dans la ligue, là, il n'y aura pas tant d'affaires. C'est quand la date limite des échanges? Ça fait plusieurs années là, qu'à chaque année, tu checkes la petite date limite des échanges, puis il se passe pas tant. Là. Ben, les joueurs qui bougent, là, c'est tous des hosties no-name, man, que tu n'entendras jamais parler de ta crise de vie ou des gars qui sont des espoirs qui ne se développeront pas. Ça nous prend un défenseur, tout ça, puis ça, j'en vois pas non plus. À part méthode, il y a une couple de défenseurs disponibles parce qu'on fera le tour avec la liste des joueurs, dans le fond, qui sont disponibles pour la date limite. Mais quand on arrive plus proche, on fera une émission. Ben, il y a une affaire là-dessus que j'espère que Bergevin va faire. Tu sais, Price, là, on est là grâce à Price. Ça serait le fun que Bergevin fasse une récompense et dit check mon gars, je t'ai armé pour les playoffs. Armé comment? Tu veux un défenseur? Non, mais améliorer l'équipe. C'est ça que je veux dire par armé. Moi, j'aime. Ben, c'est sûr qu'il va toujours essayer d'améliorer. Mais j'espère qu'il va faire de quoi. Mais voyons, un DG essaie toujours d'améliorer son équipe. Une tourette sur le top du net, genre? Non, mais... un mur de briques comme dans Wayne Gretzky 3D Hockey. Ça prend du sport offensif, là, vraiment. Ben, ouais. Oui, ça, c'est, regarde, on s'entend tous, ça prend un avant, puis okay, ça prend un défenseur. Honnêtement, je fais un défenseur, mais en même temps, la meilleure défense, c'est l'offensive. Ben oui, puis si le 2 mars, on ne fait pas de transaction, excusez-moi, mais cette journée-là, je pète ma coche. Là. Je cours tout nu dehors. Puis... Ben moi, j'aime mieux quand ne passe pas s'il n'y a rien de bon. Si, ouais, merci de nous avertir. Ah, c'est un genre de tourette. J'aime mieux qu'il n'y ait pas de transaction qu'une mauvaise transaction. Ben ça, c'est bien dit. Ouais. Ça, c'est bien dit. Je ne m'en voudrais pas s'il n'y avait rien de possible. Mais sur ces belles paroles... tu peux pas croire, mettons, que Bergevin il regarde sa liste de joueurs et il se dit « Bon, mais ça, c'est nos joueurs de centre dernier. » Ben non, c'est sûr qu'il va... Ça ne sera pas un centre qui va aller chercher. On va gagner la Coupe des stats, quelque chose. Ça ne sera pas un centre qui va aller chercher. Ça va être un ailier droit. J'espère. Mais ce sera pas Dernet, Plicanet, Taylor, non. C'est pas là qu'on a besoin de monde. Non, mais c'est pour ça que on va voir la liste. On va argumenter, puis j'ai hâte de voir vos commentaires. On en parlera en troisième, d'ailleurs. Alors, la période est finie, fait qu'on va aller faire une deuxième entraque et on vous revient pour la troisième période. On est retour pour la troisième période. Oui. Bon, un petit retour rapide sur le match des étoiles. Je vais pas parler longtemps. Avez-vous checké le concours d'habileté? Oui, j'ai regardé les concours d'habileté. J'aime pas les tirs de barrage qu'ils font avec un timer, que le monde faut qu'il se dépêche. Là. Ah, mais en même temps, oui. Puis le site concours qu'il faut qu'il fasse l'affaire la plus haute, c'est... Pas... Les breakaway, là. Honnêtement, là, les seules épreuves qui sont popées, c'est genre... le concours de vitesse, c'est cool. Ouais. Les slap shots. C'est cool, c'est à peu près tout. Bon, non, il y a l'affaire des 4 cibles, tu sais, des précisions. Puis il y a l'affaire par équipe. Ah, ben, dans le temps de Raymond Bourque. Dans le temps de Raymond Bourque, c'était le king. Il n'y a plus personne. Mais là, et tout, l'affaire, la course à relais, c'était cool. L'as-tu écouté en anglais ou en français? Ah, ouais, en français. Parce que. Ah, mais non, mais. Starte-moi pas là-dessus. Le match de TVA. Allez, on va le craquer. Canaliser. Non, mais c'est le match des étoiles. Pas le coup. Il faut qu'il lance dans la cible, au centre, là. Non, mais avez-vous écouté le match à TVA Sports? C'est comme il analysait la game. C'est comme il disait, bon, ben là, la défensive va devoir se... Yves, t'as l'air de Yves. Mais TVA, il disait que la défensive va devoir se resserrer en deuxième période. Séguin, faut que tu pognes son rire, man. Je pensais de le pogner, ouais. Attends, mets-moi donc ça, ouais. Je suis pas capable, c'est inévitable, ça. C'est comme un rire constipé, comme je me retiens, mais je veux rire en même temps. Là, comme Esti, genre. Non, mais toi, t'es fake avec ce gars-là. Ah, il est raide, mon gars. Esti doit avoir une barre dans le dos, man. Esti, c'est dégueulasse, là, sérieux. Puis il y a un gars, dans le fond, sur Twitter, qui m'a rappelé, là, Mathieu Labonté, qui nous suit. Ça a l'air qu'il a dit, je pense, une centaine de fois, on est sur le point de battre le record du plus grand nombre de buts à TVA Sports. Ben, il a été battu le record du plus grand nombre de buts. C'est ça, mais il l'a dit tellement de fois. Ouais, mais eux autres, c'est tant comme à TVA Sports, c'est une première. C'est la première ligne qui fait ça. Moi, en tout cas, j'ai pas écouté le match. J'ai juste écouté un petit peu, puis j'ai juste vu comment aller entre les périodes et essayer d'analyser le match. J'ai écouté le match, moi, en background, pendant que je suis avec mon père. Mon frère, on faisait comme c'est rendu 19. J'ai écouté en background, puis à un moment donné, j'ai décroché, j'ai arrêté l'écouter, puis j'ai juste checké sur mon sel, plus tard, voir c'était quoi le point, puis j'ai fait OK, ils ont fait 20 quelques buts. Marc-André Fleury était mic'é pendant les... Il a dit « I fucking pull my groin ». Ouais, il a dit que c'était étiré les gosses. Puis c'est comme... Il pose une question. Lui, Marc-André Fleury avait comme un écouteur dans les oreilles, il parlait avec TVA Sport. Pendant la game? Ou pendant les... l'habileté. Concours d'habileté. Puis quand il revient de sa présence comme goaler, TVA Sport, il pose une question, puis la seule fois qu'il répond, c'est « Je me suis étiré les gosses ». Ouais. « Did I fucking pull my groin », man? Il parlait ça à nos joueurs. Depuis ce temps-là, mon gars, il dit « Gosse, ouais, c'est leur faute. C'est faire une mais c'est drôle parce qu'il était mic'é puis il était assis à côté de Price à un moment donné, puis il dit à Price: hey Price, t'es-tu prêt? T'es-tu prêt? Hey, t'es-tu prêt, Price? Non, mais il dit en français: t'es-tu prêt, Price? T'es-tu prêt? Ouais, il dit en français. Il arrêtait pas de dire en français. J'ai trouvé ça drôle quand Price, même. Price, je regarde même pas. Price, comme t'as le pire, c'est que Price, là, dans les dernières entrevues qu'il fait, parce qu'il gagne tout le temps la première étoile du match. Ah, ça, là. Arrêtez-moi ça, Calis, ces entrevues d'après-match avec la première étoile. Ça sert à rien. Il a bien pas le faire. Mais l'autre fois, il l'a fait parti avec Patrick. Ça sert à rien, là. Ouais, parce qu'il crawl sur son camp, il dit OK, là, ça va faire. On va prendre À la limite, faites-les signer sa caméra, c'est correct, là, mais parlez-y pas. Mais là, mais il parlait, à chaque fois qu'il parle à cette heure, il dit tout le temps un petit commentaire en français, genre il fait chaud. Il fait chaud. Ben, j'aime ça, moi. Ben, ça marche bien, moi. C'est drôle, puis tu sais, il y a de l'humour, puis il le fait avec un. Ah, il rit un peu de. Ouais, c'est correct. Ben, c'est cool. Rapidement, hein, vas-y donc, Jeff. Ben, juste vite de même, là, ah. Le joueur du match, c'est Ryan Johansson. Oui, hey, c'est pas. On est à Columbus, on prend le Columbus. Il a gagné le char. Tavares, il a 4 buts. Voracek, il avait 6 points. Lui, il a 2 buts, 2 passes. On est à Columbus. Ben, justement, là, maintenant. C'est le monde en foule qui va, je pense. Ben, c'est ça le problème. C'est ça que je veux emmener, puis c'est la même chose à Montréal. Êtes-vous pour ou contre le fait que les fans votent pour les étoiles? Pour de vrai. C'était une coupe de saison. C'est encore comme ça. Non, c'était dans le temps que c'était les étoiles belles. À cette heure, c'est revenu, je pense, les journalistes. Non, c'est ça, sur ton téléphone, tu peux voter pour les étoiles. Non. C'était dans le club 1909, probablement. Je suis pas membre. Moi non plus. Je vote pas. Moi non plus. Je vote pour ça. C'est le bébé. Mais ça le dit jamais pendant la game, c'est le temps de voter pour les étoiles. Ben, t'as besoin que tu reçois un pop-up. Pop-up de qui? Ben, pop-up de ton téléphone. Pop-up de Yo, man. Moi, je reçois pas de pop-up. T'as une application pour voter. Mais Canadien? Ben, j'ai Canadien. Moi, j'ai pas de pop-up. Ben, faut que t'aies dans ton settings, puis t'as. Check. Je sais plus quoi dire, moi, là. Check. Non. Rapidement. Pertinence du match des étoiles. Est-ce qu'on devrait juste s'en tenir au concours d'habileté? C'est-tu vraiment utile à ce soir, le match des étoiles? Non. Le match en tant que tel. Moi, je fais juste un samedi. Concours d'habileté. Faites un gros power si vous voulez. Là. Mais laissez faire le match d'étoiles. Ça sert à rien. Ben, il faudrait qu'ils mettent quelque chose comme le baseball. Sérieusement. Là. On en parle à chaque année aussi. Faudrait qu'ils fassent quoi comme le baseball, qui est un enjeu, man. Parce que c'est quand même pas c'est pour les kids. Je sais Alex ce que j'ai à dire pour ça. This is not fucking baseball. Mais honnêtement, là, je pense. Je l'écouterai plus, man. C'est plat. Moi, je l'écoute jamais. Je le mets justement sur la TV. Pas la game, mais même le concours d'habileté. Ah, j'ai juste pas une c'est des rendu parties, boring, là. Man. C'est trop long. C'est je pense à dans le fond, ouais, ça a duré 3 heures. Ah, c'est long, man. Ouais, t'as ma pub. Puis, ouais, mais la seule affaire que je voulais revoir, c'est le slap shot, dans le fond, cette année. Bon, tu peux le regarder en reprise. Ouais, ben ça, mais dans le fond, j'écoute tout ça pour voir la dernière affaire. Qui le slap shot. Qui a gagné le slap shot cette année? C'est Weber. Il a battu Shara. Il a battu Shara. Non, il a pas battu son record. Non, il manquait comme un point de le battre. Parce qu'il était haut en est. Ah, il était haut, il était genre, mettons, à point 2. Puis Ben Crosby a été suspendu une game pour avoir raté le match d'étoiles. Ouais. C'est un règlement, ça? Mais ça, je suis d'accord avec la NHL parce que t'as ton paper, ton poster boy qui vient pas, c'est pas cool, man. Pour se reposer, dans le fond. Non, mais tu peux voir le gros cul de Phil Kessel, là, si tu y allais, c'est pas vite, là. Ah, Phil Kessel, l'uniquiste. Check. Bon, fait que c'était assez pour le match d'étoile. On s'en calisse. Bon, ben finalement, nos vœux ont été exaucés. Brodeur puis sa retraite. Bravo, Fatso. Ouais, ben, y a on s'en calisse. Y a une affaire que je comprends pas, c'est que le monde chialait. Pourquoi que c'est pas retiré au New Jersey? Je pense qu'il était en tabarnak. Il était pour la coupe aussi. Non, c'est pense comme un administrateur. Les Blues, ils ont donné un contrat d'un an. Ah, ils annoncent sa retraite en plein moitié du contrat. Il dit, mon tabarnak, tu vas aller classer les dossiers, esti, fait que tu vas finir l'année avec nous autres. C'est exactement ça qui se passe. Je pense pas qu'il pourrait dire ça, Brodeur. Brodeur pourrait dire, fuck you. Regarde, on te paye, là, fait que finalement, tu vas rester. Ben, pour 700 000, ben, Brodeur, un joueur de la stature de Brodeur, une équipe dirait pas ça. Ben, il reste là pour mériter son salaire. Ben, il fait ça parce que justement, il va pouvoir apprendre c'est quoi un petit peu gérer le hockey. Puis après ça, il va aller tout de suite. L'année prochaine, ça va tout de suite au New Jersey pour prendre un poste à côté de Lou. Il fait juste ses classes là-bas. C'est un signe de respect. Moi, je pense qu'il y a une petite amertume, esti. Non. Il y a une petite amertume. Moi, je pense pas. Comme ma bière en ce moment, là. Check. Il va le temps de fourrer des jumelles. C'est plein, parce que j'aurais aimé ça qu'il y ait 700 victoires, mais whatever. Ah non, moi je suis content parce qu'il va y avoir un autre gardien de but qui va le faire. Les jumelles de tatou. Les jumelles de l'ombre. Il va en avoir. Qui? Avec Marc Labrèche? Ben, je sais pas, mais on verra. Ok. On va être vivant. On s'en parle dans 10 ans. Je pense qu'on dit bague. Prochain sujet, bon. Je reviens sur le cas des parents de Jack Johnson qui l'avaient fraudé, là. Ouais, ben, ils ont aussi fraudé le grand-père. Ouais, c'est une famille de tout croche. Hein. Fait que le père de Jack Johnson avait pris possession de la maison du grand-père sans son consentement en falsifiant sa signature. Le grand-père, il est mort, là. Ouais, puis le grand-père, finalement, il avait payé toute l'hypothèque pour éviter que la femme puis le père à Jack Johnson aillent en prison. Une estie gang de tout croche, là. Comment fourrer ta famille? Comment tu peux faire ça, ta famille? Ça fait dur. Ça a l'air que quand il a vu le grand-père qu'il administrait Jack Johnson directement, il était en tabarnak, le grand-père aussi, parce qu'il dit ils vont le fourrer, là, c'est sûr. Pis, c'est ça qu'ils ont fait. Tu fous tes parents puis ton fils. Là. Double, mon gars, man. DB, DB Wobbly DB, H aussi. I love God. DB. Hey, juste de même, Jack Johnson, là, il connaît-tu une bonne saison? Ça doit il était à la banque, il peut pas jouer. Là. Non, il est ben, pas super. Là. Je sais pas. Pour bon gars, tabarnak, oh my God. Bon, hey. Il devrait présenter Voinov à ses parents. Ben justement, un excellent segue, JF, c'est là que je m'en allais. Revenons sur le cas Voinov. Ah, des petites jumelles, là. Oh. Avec des tresses, là. C'est pas des chiens, ah, brother est dans le décor. Des belles lesbiennes jumelles. Des jumelles avec... mais pas ensemble, jumelles avec d'autres filles, ça. Mais ça c'est pas grave. On des jumelles avec des couettes. Ouais, fait qu'il y a eu des détails sur le cas Voinov qui sont sortis cette semaine, puis je vais vous faire un petit résumé rapide de tout ça. Il l'a shiny, là. Ouais, c'était assez violent tout ça. Ça s'est passé après un party d'Halloween, là, cette belle histoire, là. Fait que dans le fond, en revenant d'un party d'Halloween, il gueulait après sa femme qui voulait un divorce, puis qui donnerait plus d'argent pour elle, puis que c'est une salope, puis c'est ça. Fait que Voinov a commencé par briser ses lunettes. À la fille ou à lui? À elle, avant de la frapper à la mâchoire violemment. Puis ça a cassé une chambre à coucher, malheureusement pas comme probablement qu'il voulait. Il a cassé volé en disant je te veux. Il l'a étranglé trois fois dans la chambre à coucher, après ça, il l'a envoyé 5-6 fois au sol où il l'aurait kické à répétition, puis après ça, elle s'est relevée. Il l'aurait envoyé la face en TV, puis elle s'est coupée en haut de l'œil, 8 points de suture. Là, Voinov, il a comme eu peur un peu, fait il a arrêté de la frapper, tu sais. Non, mais faut-tu qu'elle aille courir après, pareil? Mais non, mais le problème, c'est parce qu'il était déguisé en Christian Grey. C'est une crise de conne. Non, mais... Non. Pis c'est pas... Non, mais... On s'en calisse! Ben, y a non, mais Voinov, il a dit comme, bah, oh, c'est fait mal en se levant du lit, là. Ah. Oh, ouais, mais c'est hey, man. Voinov. En plus, son nom, elle, c'est Varlamova, man. Ouais, c'est fucké. C'est hein. Sûrement dans la famille de Varlamov, ça, l'autre qui bat sa femme, là. Ben, écoute, tout dans la même façon, ça sort. Fait qu'il va faire la prison. Le ben, saviez-vous que le salaire de Voinov, il compte sa masse salariale malgré le fait qu'il va aller en prison? Ouais. Ça, c'est Comment t'as dit ça? Son salaire compte sa masse salariale. Même si t'es suspendu de la NHL, ton salaire compte. Fait que son... oh, ouais. Les Kings sont dans la merde. Ils gagnent combien, lui? C'est pas qu'ils l'ont fait jouer, là, en pratique. En moyenne, 4,1 millions. Quand même. C'était handicapé de ça. C'est beaucoup, là. Dans le dash, puis tu viens de se signer 6 ans, tu peux même pas le trader, puis rien, même. Ils sont en marre des Kings parce que là, ils ont comme pas de marge de manœuvre pour faire de moves. Ils vont être accolés dans le taper. Puis en plus, ils sont même pas dans les playoffs. Dans le tape blanc. Dans le taper. Ouais, mais c'est fucké ça parce que s'il va en prison, il va être suspendu à la NHL. Mais mettons qu'il va en prison pour. Je sais pas, il signe pendant combien d'années, mais pendant ces années-là, son salaire. Ça va combien de temps après une femme 5, ça bouffe quoi 5, 6 ans. Au States. Quand t'es DG de ce team-là, tu dois être en tabarnak, man. C'est pour ça qu'ils ont libéré Richard. Tu sais, le claim. Ouais, mais le DG, il s'est tiré une balle dans le pied parce qu'il y avait la chance. Je pensais que t'allais nous annoncer un suicide, là. Non. Il a mais fini avec sa vie. Il y avait une chance de racheter le contrat de Richards, puis il l'a pas fait. Puis là, il est dans la merde encore cette année, là. Ouais, il doit se manger le front, lui. Il l'a pas fait par respect parce qu'il venait de gagner la coupe. Ouais, mais... Ben, tu sais, business is business. C'est d'une Lombardie. Faut que tu fasses avant. Ben, si tu veux d'autres joueurs qui viennent dans ton équipe, tu peux pas faire des moves. Regarde, le pire, c'est que je serais même pas surpris que Toronto va chercher Richards tellement son sans dessin. T'sais. Non, mais il a pas de ça, t'as bien raison. T'as fait d'accord, Gilles. Pendant qu'il l'a pris. Alors, il reste 4 ans à 5,75 millions par année. C'est il va gagner ça dans la Ligue américaine. Ouais. Oh, yeah. Bravo, man. Faut qu'il paye quand même. Applaudissements modérés. Bravo. Prochain sujet, rapidement, le cas de Team Peel cette semaine. Oh, ouais. Team Peel. Au secours, j'ai lu l'article. L'arbitre. Ça, je l'ai lu. Ouais, moi aussi. Alors, Team Peel, qui est un arbitre de la Ligue nationale, il a été suspendu pour comportement inapproprié après avoir pris un shooter et mis la photo sur Twitter avec le blogueur de Yahoo Sports, Greg Wisniewski. Fait qu'à Star, tu peux te faire suspendre parce que tu bois un shooter puis tu mets ta photo ben, au veille. Non, mais c'est pas pour ça que ça fait suspendre. Parce que supposément, il a donné de l'information de l'intérieur comme si c'était 1-1, tu donnais pas le pénalité. L'information sensible. Ouais. Oh. Que, la NHL, il y a rien qui a été dévoilé. Non, ben, OK. Il y a des affaires qu'on sait toutes en tant que fan de hockey, mais que la NHL n'a jamais dit publiquement que lui, il dit l'omerta. C'est 1-1. Ben, si c'est 1-1, on donne pas de pénalité. La NHL nous dit de faire telle affaire. Ça, oui, il faut vraiment que I crack down on this. Comme le, tu sais, l'embellishment, je me rappelle plus c'est quel joueur, il mangeait vraiment un coup de bâton, c'est contre Washington. Ben non, pas, excuse, c'est Anaheim, parce que Bruce Boudreau est en tabarnak, parce qu'il a vraiment mangé un coup de bâton dans la face, le joueur. Puis lui, il a callé embellishment, parce que la NHL, justement, dit qu'il faut vraiment que tu comptes tout ça, Fait qu'il dit, il comptait toute la pression de la NHL versus les matchs pour pas. Mais ça revient encore à dire que les arbitres ont beaucoup trop d'influence à la game. Là. On sait tout ça. Non, mais c'est on le sait. Dit mais publiquement, puis lui, le cave, man, qui a eu. Ouais, mais on sait tout ça, mais la Ligue veut pas que ça soit. Ça sache ouais. comme non, mais il vient de confirmer ce qu'on dit depuis le début. Ouais, qu'il y a trop d'influence des arbitres sur ce game-là. Là. Ouais, mais c'est pas une surprise. Pour la. Le, pour, okay, mais pour le fan de hockey, mais pour le fan qui je suis ça vraiment là, c'est, ça paraît ça marche, là, ça paraît ouais. C'est évident pour le fan qui écoute ça c'est une game de temps en temps. Ah ouais, okay, lui doit être le choc là, il doit dire ah, c'est une ligue de cabochons. Ah mais oui, ce blogueur là il a eu nous autres on sait déjà c'est une ligue de cabochons. Ouais, vraiment pour vrai. Ouais, ce blogueur là il critique le gars qui a pris un drink avec il l'a eu. Ouais. Ah il l'a eu puis il l'a tout le temps critiqué. Il a même fait un hashtag c'est un mange de merde ce gars là ils se sont vus dans le bar, juste un journaliste là, ils se sont vus dans le bar. Ils se sont vus dans le bar, puis Tim Peel, il a comme voulu aller le voir pour qu'il puisse genre arrêter de tout le temps le basher, puis il dit, gars, on va parler, puis il voulait enterrer la hache de guerre, puis ouais. Le gars, il était suspendu. Puis le gars, le lendemain, le gars, il prend un shooter avec. Enterrer la hache de guerre avec des shooters. Il arrive chez eux, man, il crie tout ça, man. Pendant que Batman avait ses souliers, Steve, puis il dit, hey, le gros, j'étais avec. Il a vraiment backstabé, puis après, il fait, my evening with Tim Peel. Tu sais qu'il est arrivé chez eux, mais il a tout écrit que c'est passé. Non, mais le blogueur, c'est le. Con. Fait que ce blogueur-là, il nous écoute parce que, comme nous autres, il entend la hache de gag des shooters. Ouais. Mais en même temps, Tim Peel, il aurait jamais dû dire ça. Il ne shoot pas. Tu parles pas avec des blogs. Non, c'est ça. Là, puis en même temps, il dit, tu sais, je suis pas parfait. Puis non, non, non. Puis, gars. Qui a dit je suis pas parfait? Le blogueur ou Tim Peel? Non, Tim Peel dit, tu sais, je suis pas parfait. Oui, des fois, je manque des corps. Puis oh, souvent, je suis avec des arbitres crus. Puis ils font des erreurs. Mais tu sais, c'est vrai. Mais tu sais, regarde. T'as pas d'affaire à dire ça, mais c'est vrai que Tim Peel, c'est le Carey Fraser des temps nouveaux. Carey Fraser. Ouais. Là, ils veulent amener un arbitre russe. Hein? Ouais, il parle presque pas français. Il parle pas de calice de mots français. Un arbitre russe? Ouais, ouais. Calice, lâchez-moi les Russes. Ça a l'air qu'il parle pas un crisse de mots anglais. Mais ouais, il parle pas mais... Il parle comme John Malfick. Mais non, mais Jean Rounders. Non, mais imagine-les, l'arbitre russe expliquer une pénalité à Michel Therrien, ça va être beau en tabarnak. He beat him straight up. Give that man his money. Give that man 2 minutes. He beat him straight up. Ouais, regarde, oui, parlant de beat him straight up, Ryan White, un ancien du Canadien, a cassé le nez à un adversaire hier, je pense. Bravo à Ryan, un gars des Islanders. Tu vois vraiment le nez cassé. Tu vois le nez tourné. Tu vois le nez cassé. Ben oui, puis j'ai vu ça. Ryan White, il joue sa deuxième ligne à filer. Tabarnak. Chris Dale-Louis, il joue sa première. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il beat him straight up. Non, mais il joue en avant de le cavalier à filer. Oh, mais Chris, c'est pas dur à battre. Fait qu'avant de. Putain, il est fini ce gars-là, man! Avant de passer à mon dernier sujet de Around the NHL, j'ai même pas mis le jingle tantôt, on va le mettre tout de suite, hein! Around the NHL. À retardement, là. Oh, better late than never! Et voilà, j'ai comme pas pensé pendant tout. Alex, tu voulais qu'on parle de pourquoi la NHL a pas de système de caméra Hawkeye dans le filet? Hein? Ouais, ben ça, ben parce que pour de vrai, il y a plein d'émissions qui en ont parlé. Ah et tout. Non, mais ça, sérieux! C'est... On a entendu partout, mais. Tu sais, au tennis, c'est ça, ils font le hockey. Au mais tu sais, le plus refusé à Wiz. Technologie, man. Là. Pourquoi qu'on n'aurait pas mais ça? Mais Pacioretty a dit, pourquoi on n'a pas des pucks avec des ouais, comme Fox avait fait, là. Non, non, on a des pucks avec des sensors d'un puck, comme au match des étoiles. Ils sont capables de suivre la puck sur la glace, man, très bien. Parce que ça, je m'excuse, c'est un but. Quand tu vois en real time, c'est un but. Quand tu vois au ralenti, vu que la caméra est 30 ouais, images secondes. Ça fait partie. Mais tu sais, en même temps, je veux dire, c'est plate, on se les fait refuser. Mais il paraît qu'il y a 11 call... buts. Il y a 11 buts qui se sont fait refuser comme ça. Mais le call, c'est pas pour la garder dans la ligue. Tu sais, le call sur la glace était no goal. Puis il pouvait pas, avec les hosties d'images de match, ben, prouver hors de tout doute que c'était un ça but. Ça a été long la reprise parce qu'il voyait. Oh non, il était juste pas capable d'arrêter. Il y avait pas le frame, c'est tout ce qui était dedans. Mais une bonne cam dans le filet. Sinon, en haut, tu mets un high speed camera à 120 images secondes. Ouais, je peux pas croire qu'ils ont pas la technologie aujourd'hui pour faire ça. Ils peuvent, c'est juste l'argent. C'est parce qu'ils s'en calissent. C'est l'argent. La Ligue nationale est en. Ben d'abord, c'est quoi la raison? Mettez Hawkeye en plein essor. La raison, c'est quoi? Gary Bettman. Hey, Hawkeye, c'est une ligne. Il veut se le crisser dans les poches à la place de mettre une caméra en dessous. Parce qu'il mange la mort. Il y a beaucoup de buts qui ont été refusés pour ça dans l'NHL présentement. Puis je veux dire, Chris, c'est ridicule, man. C'est pas vrai, si t'arrêtes le hockey ou justement le puck tracker, ça change quelque chose à la rondelle. Ben non, pas, parce là. Qu'il collera même calice d'affaires. Ben fait ça, mais avec hockey, on s'arrête tout de suite aux 120 images secondes sur une caméra high speed. Bah. Moi, pour de vrai... Fait qu'on veut des caméras haute vitesse, puis Batman, ben... Qui mange de la calice de merde, Steve. Merci, Gilles. Qui a le chip, qui mange de la merde, qui mange de la merde, qui a le chip. I love it. Faudrait que je prenne un extrait plus long de Gilles Proulx qui fait juste dire « Qui mange la merde? » Juste avant ça. Ouais. Ou avant ou après, je sais pas trop. « Qui mange la merde? » Bon, fait que dernier point sur ma liste, la saga Evander Kane. Yeah! Allons-y, les gars! Ben, Jeff le veut dans le Canadien. On ouais. s'assiste aujourd'hui sur Facebook. Là. Why not? Ben, premièrement, est-ce que quelqu'un peut le résumer l'histoire? Ouais, résumons les faits, là. Bon, ouais, là, la saga depuis elle dure depuis quasiment mardi. Toujours. Ah non, mais... Hey, ah ouais, c'est vrai. Puis, savez-vous pourquoi il n'est pas allé à la game, là? Oui. Ah, oh. Parce que c'est engueulé avec ses coéquipiers. Puis, la vraie histoire, là, il y a eu plusieurs affaires. Ça a l'air que les joueurs ont collé son linge dans la douche. C'est Bufflin qui l'a fait. Parce que dans le fond, là... Dustin, le but de l'histoire, c'était qu'il y avait un meeting d'équipe le matin. Il est arrivé non, mais j'ai lu l'article. Il est arrivé en sweatpants. Là. Non, il est arrivé comme à GF, il est arrivé en sweatpants. Puis, dans le fond, Bufflin, dans le fond, c'était comme violation du code vestimentaire. Puis ça, c'est un règlement de la Ligue nationale, pas juste de l'équipe. Là. C'est non. Mais d'habiller propre, là, ouais. Ben, c'est ça. Puis là, Bufflin, il était en tabarnak, fait qu'il a pris son linge, puis il l'a crissé dans la douche. Fuck your feeling, tu sais, des affaires de même. Là. Fuck your feeling! Là, il a regardé tout le monde, il s'est mis une coupe de liasse de 100$ sous le dos, puis il a fait des poches. Non, mais c'est parce que. C'est vrai, c'est lui, ça. Non, mais imagine, ouais. Il avait l'argent comptant dans ses poches, tout. Mais là, il est en tabarnak. Voilà, après en l'eau. Ouais. C'est lui à Vegas. Mais la game était à Vancouver. Puis lui, il vient de Vancouver. Fait qu'il a décidé de crisser son camp chez eux. La game, dans le fond, les gars ça, arrivent à l'aréna pour se préparer pour le match. Il est pas là. Une heure et demie avant, il l'a appelé. Hein? C'est ça, ça a pris une heure et demie avant qu'il le rejoigne pour lui dire « Je joue pas à soir ». Puis là, la décision... Fuck you, I'm not coming to the game. I'm c'est not ça. Ben non, mais vraiment, attends, mettez-lui à votre place, là. Il y a un gars qui crisse votre linge puis qui rit de vous autres devant tout le club au complet. Tu te sens humilié. Il y a peut-être une raison parce que toi, t'as pas respecté le club parce que tous les gars sont habillés en sous de cravate. Toi, t'arrives en fucking jogging. C'est quoi, t'es meilleur qu'un zone? Mais ça, c'est une des affaires avant que tout fait... en jogging. À Las Vegas avec tous ces estimants de fucking money on the balcony. Ben, justement, comme David disait, il faut dire que les coupe de cheveux qui se faisait Millionaire Club. Ouais. Mais Bob McKenzie, il s'est renseigné un peu sur l'incident. Puis apparemment, le meeting devait avoir lieu à l'hôtel. Okay, okay. Puis finalement, ils ont comme décidé de changer à la dernière minute de place à l'aréna. Fait que le gars, pour pas être en retard, il a comme pas eu le temps de se changer. Fait qu'il est allé directement là. Toutes les autres joueurs, ils ont le temps. Il a dit « It's an honest mistake » qu'il a fait. Tu sais, je pense pas qu'il a fait exprès. Mais juste que c'est cool. Puis à ça, ils respectent pas ce gars-là. Il y a un problème à quelque part. Ben, l'affaire que je comprends pas, c'est pourquoi ça serait à Bufflin de faire ça. Pourquoi ça serait pas directeur général qui l'a rencontré pour lui dire. C'est un leader de l'équipe. Puis dans la chambre, ça dit c'est un leader. Puis il a dit mais c'est humiliant. Tu imagines si quelqu'un fait ça souvent. Il mérite en esti. Ben, parce que Subban, je pense pas qu'il ferait justement l'erreur d'arriver là en pantalon de jogging. Non, mais Subban, il est tout assapé comme un pape. Sauf après les games avec son petit col roulé, zippé jusqu'en haut. Pourquoi c'est pas le DG qui l'a rencontré puis il pas donner de la merde. C'est sûr la peut-être cause, que ça s'est déjà fait auparavant. Puis pas peut-être. C'est sûr que ça s'est déjà fait auparavant parce que la saga de Kane, ça dure depuis des années. Depuis qu'on déménageait à Winnipeg, chez Sheldayoff, là, je pense que c'est ça son nom, là, le DG. lui, non, c'est son vrai nom, c'est. Ça fait comme 3 ans. On s'en calisse! On fait un compte de on s'en calisse bientôt aussi. Il y a plusieurs rumeurs qui disaient qu'il est. Tout le monde le sait qu'il n'est pas heureux à Winnipeg. Puis il y a des rumeurs qui disaient ils vont l'échanger. Pas heureux nulle part. Le gars, là, savez-vous que ce gars-là, il n'a jamais fait de trade à Winnipeg de joueurs actifs dans son roster depuis on l'avait déjà dit ça, je pense. Ouais. C'est ça, mais là, d'après moi, il s'est montré gourmand. Il voulait demander la lune pour Kane parce que, veut pas, les Flyers et le Canadien étaient dans la course pour avoir Evander Kane cet été. Je pense pas que... C'était confirmé par Bob McKenzie. Moi, là... Ah, OK, Don, c'est pas un dieu du hockey. Non, mais il est plugué en tabarnak. Ouais, mais honnêtement, là, on s'en calisse des plugs puis tous les journalistes, là. S'en calisse. Je veux ton opinion à toi. Toi, là, Evander Kane, tu le prends-tu dans ton équipe? Oui, parce que du talent, ça s'apprend pas, puis le comportement, ça change. Moi, là, le problème, c'est que j'ai un problème, c'est que je me demande si on a besoin, dans le vestiaire du Canadien, d'un joueur comme Evander Kane avec un hostie d'attitude de rapper de marché aux puces, man. Non, mais... Ah, mais en même temps, à Montréal, là, tous ses gestes vont être checkés, man. Oublie ça, man, ça va être scandale. Après... C'est juste lui qu'on va entendre parler, scandale après scandale. Ça peut faire la même distraction, on a besoin d'un genre d'un frère Costitine qui va se tirer avec la mafia russe. Non, mais je vais donner un exemple de joueurs qui ont un comportement similaire. Il va se tenir Chris dans un bar puis il va faire le gros party. Ça marche pas à Montréal. Ça marche pas à Montréal. Un Chris Higgins numéro 2. Tyler Seguin. On s'attend-tu qu'à Boston, c'était de la merde? Marche pas à Montréal. Pourquoi ça marcherait pas? On a Subban. Non, non. Subban, par exemple, il se tient en public. Ouais. Lui, il ne tiendra pas en public. Il va sortir, il va aller. Il va. He's gonna fuck it up. Ils vont l'entourer. Je pense que ils là. Ils vont l'entourer. C'est ça. Il y a 23 ans. Il est pas contrôlable, lui, là. Qui joue à Phoenix? Ça va être genre ces places-là qui va aller jouer. D'une place qui a pas de marché. T'aimes pas bien, man. Place qui a pas de marché. À Winnipeg, il y a pas de marché. Ben oui, ouais. C'est un club canadien. Il y a rien d'autre qui se passe à Winnipeg, man. Les Blue Bombers et les Jets. Dude, mais il y a plein de journalistes. OK, Winnipeg là, c'est plate partout, puis le monde se promène en camion à 12 ans là. Puis l'arena c'est le club MTS. ils savent chauffer un pick-up. Tout le monde a un pick-up là-bas. Non mais vraiment là, dans le fond, le prix de Evander Kane là, il est au plus bas, puis là il a décidé de se faire opérer. Ça arrivera pas parce que ça fait opérer. Aujourd'hui on a appris qu'il se faisait opérer, puis c'est une blessure qu'il aurait pu se faire opérer à la fin de la saison, puis ça c'est un gros fuck you aux Jets qui viennent faire là de dire il je veux pas opérer là. Ça montre que ça je veux jamais ce genre de gars. J'aime pas l'attitude de ce joueur là. Tu peux pas avoir une attitude de diva. Je renie pas son talent. Je pense pas que le Canadien a Evan besoin de... Evan Dugan, il y a eu une bonne saison. 30, il y a eu 30 buts une saison en 2009-2010. Il y a eu une bonne saison, ce gars-là. Mais depuis qu'il est à Winnipeg, c'est là qu'il est la dégringole. Le gars, il est pas heureux. Avant ça, non, c'est à Winnipeg qu'il a eu sa saison, man. Non, c'était Winnipeg, à Atlanta. Winnipeg, 30 buts, c'était en 2011-2012. Bon, la première année dans Winnipeg. Saison. Première saison à Winnipeg, ouais. Mais. C'est pas. Non. C'est sa seule bonne saison. Le reste du temps, là, il est dans moins presque partout, mais moins 12, moins 3, moins 7, moins 6. Combien de buts? Ouais, mais mettons là, que ça coûterait juste un Lars Eller pour avoir Evander Kane, soit-il le mot. Non, moi, je le fais pas. Je le changerais pas comme un 7e round pick. C'est parce que justement. Gratuit, je pense que je le prendrais même pas. Là, non, rien. Je veux même pas Montréal. On va juste entendre parler de lui, qu'est-ce qu'il a fait dans les bars. Moi, je pense que c'est juste une distraction pour le vestiaire. C'est un risque de distraction pour le vestiaire. Mais je pense que la seule place où tu vas amener ce gars-là, où est-ce que ça va marcher, place c'est un marché comme Dallas, où c'est que le monde s'en calisse du hockey. Mais Dallas, il y a bien des fans de hockey au Texas. Ouais, mais je veux dire, place qu'il y a un journaliste. Envoyez-le à Floride, hostie. Il n'y a pas un chat dans les gradins là-bas. Là. Après ça, c'est Nordique qui va être pogné avec. Hey, Evander King, là, Evander King, là, il est 5,250,000 en moyenne par année. C'est là, jusqu'en 2018. C'est cher. C'est salarial jusqu'en 2018, man. Quand même cher, là. C'est gros. C'est un gros crise de Paris à prendre, là. Ouais. Tu sais, j'aime son physique tout, mais. Tout dépendant du prix. Le gars, je prendrais une chance, moi, personnellement. Ah non, pas ici, man. Ça va pas ici, à soir, à soirée du podcast. Non. Pas à Montréal, pas dans la ville, man. Ce gars-là, man, c'est pas un joueur de hockey. Ben, même dans le fond, tu sais, savez-vous, c'est qui a eu le scoop pour le chose de l'épaule, là? C'est Renaud. Renaud Lavoie. Puis ouais, j'ai fait opérer un épaule. Il a tweeté en anglais plus qu'il tweet en français. Il a fait les deux, mais tu sais, j'imagine mon Renaud Lavoie appelé à Winnipeg, à une de ses, ou un gars de Winnipeg. Yes. Hello, this is Renaud Lavoie. Can you tell me about you know Renaud, the Bufflin? Puis là, j'ai l'image. Renaud Lavoie, du the guy dans... on Twitter that has the most connected tweet. You know, I'm 1000K. You know, I have so many English followers. Puis moi, j'ai l'image de Guardians of the Galaxy quand le gars il dit à Star-Lord Ouh! I'm Renaud Lavoie, ouh! Tu sais, c'est comme t'es qui toi, calice? Puis là, il est pas plugué pantoute ce gars-là. J'ai jamais vu ce film. Vous avez jamais vu Guardians of the Galaxy? Je te dis, vous demanderez de quitter le studio immédiatement. C'est 2-0. C'est le meilleur film de l'été, des meilleurs films de l'été, man. Là, on est 2 contre 2. Elle a pas l'avoir vu, là. Je veux dire, il n'y a pas de panique. Bon, on arrête le podcast, on va l'écouter, il est dans mon salon. Je suis sûr que si Mark était là, il l'aurait pas vu lui non plus. Ton frère l'as-tu vu? Mon frère, il écoute aucun film de super. C'est ça. Fait qu'on se pas mal plus la gang du podcast à pas l'avoir vu. Fait qu'on s'en calisse. Bon, une autre fois. Ting! Ting! Fait que ça fait le tour de la saga Evander Kane. Jeff, en confinance, veux-tu parler des joueurs susceptibles de changer d'adresse avant la fin? Oui, dans le fond, on pourrait reparler de la liste aussi dans 2 semaines. Et puis, je vais aller rapidement avec cette liste. Bon, là, Jeff, je cherche. Dans 2 semaines, peut-être qu'on va avoir des enfants. Non, ben c'est ça, on en parlera à la fin du podcast. Alors, dans le fond, on peut éliminer. C'était là, je vais surprendre Chris. Evander Kane, on peut l'éliminer. Mais là, dans le fond, le joueur, l'attaquant le plus convoité, c'est comme le Thomas Vanek cette année. C'est Antoine Vermette. Trop cher. Non. On fait juste des bouts. Non. OK, après, ben là, j'espère qu'il n'y en a pas un esti qui va dire oui, là, mais l'autre joueur convoité serait Dion Phaneuf. Oui, non, I'm kidding. Non. Et puis, il y a une rumeur qui disait que les Kings de Los Angeles... Ça a sorti direct, hein? Il était clair comme du cristal. Tu sais, quand j'ai parlé de Mike Richards tantôt là, à Toronto, là, mais la rumeur, ça serait un swap Phaneuf contre Richards avec des joueurs entourés de ça. Ouais, changer de la menthe contre d'autres marques. Et voilà. Keith Yandall, les gars. Non, trop vieux. Trop vieux? Voyons donc. C'est quoi trop vieux pour toi? 35 ans et plus. Il a 28! Il est plus jeune que toi! Really? Je pensais que t'es vieux. Keith Yandall, il est pas vieux. Keith Yandall, c'est probablement un des meilleurs défenseurs disponibles. Il a 28, ben le Canadien serait dans la course. Imagine. Lui, oui, oui, je le prendrais. Lui, Keith Yandall. Il faudrait, oui. Mais Keith Yandall, c'est encore un défenseur. Je me trompe-tu ou c'est un défenseur à caractère offensif? Oui. Ouais. Ah non. Ouais. Moi, c'est là où j'ai un problème. C'est sûr qu'ils vont nous apporter quelque chose, mais où j'ai un problème, c'est que Keith Yandall, c'est un autre défenseur qu'on a. On a Subban Markov. On a Beaulieu qui pousse éventuellement. Ouais, puis supposément Gilbert. Gunshar. Bon, supposément ouais. Gilbert. Il pousse Gilbert. Gunshar, je suis fucking lent. J'ai 48 ans. Je suis fucking lent. Dans le fond, il y a 20 ans. J'ai 48 ans. Le prochain est Cody Franzen. On dirait que je chante la toune de Sty Jordi. Mais c'est ça, man. Je pensais que c'était un succès de Guillaume Lemaitre-Vierge, moi, ça. Cody Franzen est le prochain défenseur disponible qui devient joueur autonome cet été. Cody Franzen de Toronto. Cet été, on parle du 2 mars. Non, c'est ça, mais il va jouer autonome. Fait que c'est un joueur de location qui est disponible. Ouais, mais un joueur de location, c'est ça qui est le danger. On prend-tu? Non. Mais là, c'est tout des joueurs de location que je vous parle. Mais, okay, presque. Keith Yandall, on a dit qu'on disait oui ou non. Keith Yandall, il reste un an à son contrat. Là, on va y aller avec des oui et des non. C'est sûr que lui va coûter plus cher. Oui ou non. Cody Franzen, défenseur droitier qui pèse 223. Moi, ma réponse, ça va tout le temps être la même affaire. Ça dépend quel lui. Je veux dire. Bon, on va fermer le micro à Dave. OK, c'est bon. Moi, je dis plus rien. Ensuite, Ryan O'Reilly serait disponible. Non. Non. Mike Green. Non. Non. Andrej Sekera. Ça, c'est unidimensionnel. Non, Sekera. J'aime bien mieux Yandall que Green, en tout cas. Ben oui. Sekera. Marc Méthode. Oui. Oui, mais on l'aura pas. Qui ça? Marc Méthode. La seule affaire que j'aime pas de Méthode, c'est que c'est un autre défenseur gaucher, puis on en chie des défenseurs gauchers. Ouais, mais sauf que c'est d'un défenseur du. Mais il pourrait jouer avec Subban. Il pourrait jouer avec Subban parce qu'il joue avec Carlson. Ben, Marco, parce que ça, c'est un défenseur défensif. Marco, tu le mets avec Emeline. Ou tu le descends à... pas sur le powerplay, on s'entend. Ouais. Mais il peut jouer avec Subban. Markov, il retourne à sa place comme au début de l'année. Moi, Marc Méthode, j'aime juste pas son nom. Ouais, c'est un nom de. Je vais trop penser à PA Méthode, c'est ça? Je sais pas, Méthode. Méthode, ça fait PS. Le prochain. C'est sûr qu'il manque des dents. Est un attaquant des Hurricanes de Caroline, Jiří Tlustý. Non. Tlustý, tu connais pas pour le reste. Jagr. Pas dire. Jagr, peut-être. Jagr, oui. Il y a plein de rumeurs autour de lui. À chaque année, il y a des rumeurs Jagr. Andrew Ferentz. Non. Non. Andrew Ferentz, come on, man. C'est pas le capitaine en plus, lui, ouais. À Edmonton. Ouais. Arrgh. Il est disponible, apparemment. Puis les Penguins seraient grandement intéressés. Josh Georges. Non. Ouais, ramenez-moi là. Il est disponible, est-ce-tu. Chris Imagine Stewart. Je sais qu'on a parlé avec Alex. Ouais, moi, je dis oui. L'attaquant qu'on a de besoin, Chris Stewart, serais-tu la solution? Moi, je pense que oui. C'est un avant 6 pieds 2. Ailier droit 6 pieds 2, 231 livres. Avec Pacioretty, ça peut être intéressant. Ouais. Tout dépend du prix, comme dirait. Effectivement. Ouais, c'est ça. il est bon pour combien de temps encore, lui? Il est joueur autonome à la fin de l'année, fait qu'il coûterait vraiment pas cher. Mais il signera à Montréal. Non, mais il signera à Montréal. Mais faut pas que tu le payes cher pareil. Non, mais ça coûterait un choix de 3e ronde. Il signera à Montréal. Je suis sûr que c'est ça peut être un esti de bon emprunt. Moi, c'est pas un gros risque. Puis si tu leur signes pas, ben tu ça risque d'être. J'ai peur qu'il devienne un René Bourque 2.0. Le risque, c'est ça. Ouais. C'est le risque, c'est ça. Mais s'il te donne une bonne fin de saison à Montréal parce qu'il fonctionne sur une première ligne. Tu le signes pendant 5 ans puis il fait plus rien non, après. Deux. Tu le signes pas à long terme. C'est ça qui fait chier. Mais il n'y aura pas d'équipe parce qu'il est long terme. Ça va être deux, à moins qu'il y ait une esti de bonne fin de saison. Ouais. On continue avec Buffalo encore qui offre Drew Stafford. It's interesting. Interesting. Chris Phillips. non, trop vieux. Non. Chris Neal. Trop vieux, Chris Phillips, man. Si, il y a 28 ans. Chris Neal. Chris Neal pour mettre la profondeur. Quatrième trio. Chris Neal, oui, mais en même temps. Ça va dans l'Ouest. Tu penses? Oh, oui. Ouais. Ça va dans l'Ouest. Ensuite, il y a Toronto qui offre ses joueurs. Mike Santorelli. Qui? Mike Santorelli, un gars de profondeur. Don't know. Il est pas pire. C'est bon, mais on a trop. Alors, voici le nouveau motto de la soirée du podcast cette année. Don't know, don't care. Daniel Winnick, qui est un gars de un grinder là, qui pourrait. Un genre de Day-Lewis. Là, je pense que c'est rendu trop bas, puis on s'en calisse tout de vrai. Ben non, mais dans le fond, si je continue vite. Non, non, don't care. Don't care. Bryce Salvador. Arrête, on connaît pas. Zimnek Mihalek de Phoenix, qui fait partie des rumeurs. C'est pas Michael Mihalek. C'est Zimnek, c'est un défenseur droitier qui est fiable défensivement. Don't know, don't care. Ce que j'ai peur, c'est que Terrien. C'est pas que Terrien, mais que Bergevin va chercher ce gars-là. Ah, parce qu'il a déjà joué à Chicago. Non, Jeff Petrie. Ah, arrête, là. Martin Erat, Michael Ryder et David Ledouane. Michael Ryder. Il était fini, il y a 20 ans. Puis, okay, Michael Ryder, c'est un oui. Ça, c'est la liste. Et puis. Je mentionne là-dedans qu'il y a des joueurs qui pourraient être susceptibles de changer d'adresse également. Ce serait Jeffrey Loupol, Jordan Eberle, Tyler Myers. Jeffrey Loupol, il est encore à Toronto. Hey, Tyler Myers, je sauterais-tu. T'as Big T.O. Hey, Tyler Myers, je sauterais-tu. Tyler Myers, Ben, je pense qu'à Montréal, il serait plus efficace parce que là, il serait un bon fit. À Buffalo, là, il est premier défenseur. C'est comme leur... Il est défenseur défensif, lui. Il a une tendance offensive. Moi, je pense qu'il a tout, oui. Vraiment, il est bon en défense. Ouais, c'est ça, un 50-50. Mais je pense que sur une deuxième paire, il serait très efficace. Avec Beaulieu, genre. On verra. Fait que c'est Subban, Mettot, Markov, Tyler Myers. Le dream team. Ça serait à suivre, mais apparemment, Bergevin est très actif au téléphone. Et puis, on verra ce qui arrivera d'ici le 2 mars. Fait qu'il fait juste sa job, dans le fond. Ben, il n'a pas déçu à notre Bergevin. Fait qu'on peut s'attendre à ce que Bergevin bouge d'ici la fin de la saison. J'espère qu'il va bouger. Ouais, parce que là, il a comme aidé le club au niveau de la masse salariale pour l'an prochain. Mais là, j'aimerais ça qu'on fasse un mot pour aider le club maintenant. Aider Price? Oui, j'aimerais ça. Protéger. Honnêtement, on trade Price comme trois choix au premier rond. Puis, ça, c'est un fan de Alak. On échange Price contre Alak, trois stimés et un sac de bâton. Puis une grosse frite. Bon, ben, c'était bien. Price contre le cavalier. Bon, ben, c'est ça, alors. Voilà. Bon, ben, ciao. Il y aurait aussi une autre affaire si on avait... Oh, on a dit ciao, là. Mais non, mais juste pour faire un survol sur le Super Bowl, là, c'est les pires gaffes de la NHL. Ah oui, mais vas-y donc, vas-y donc. Parce qu'il y a une grosse gaffe au Super Bowl. Là, c'est ça, j'ai découvert ça. C'était la balle courbe qui a sorti de la site. Bon, si on y va avec, mais je veux revenir sur le Super Bowl parce qu'on a fini anyway le podcast, là. Je l'ai pas écouté. Moi, oui, là. C'était un bon Super Bowl. Ah, je suis parti. La fête est grande. Je suis tellement pas un fan de football que je suis parti de chez ma mère. 30 secondes de la mi-temps. La game était bonne, man. Même, je dirais, à partir, juste avant la mi-temps, quand que les Seahawks ont fait un toucher. C'est une question de bonne game, en tout cas. Là. Avant la mi-temps, j'étais comme, OK, ça va être malade, ce game-là. Puis après ça, man, la remontée à la fin. Ben, c'est sûr, Brady peut toujours monter. C'était même fou. Si c'est de valeur. Quelle parce décision que de merde, man. Ah ouais. Quelle décision de merde de pas courir avec. Man! Chris, t'as le meilleur running back de la ligue. Running back, il y a un average de 4.6 verges à toutes les courses. Là, il y a une demi-verge. Mais ce que je trouve drôle, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que le monde disait ouais, mais tu sais, Moutou, j'aurais fait la passe, regardez, genre le joueur était découvert. Ok, l'interception, c'est l'interception juste, vraiment chanceuse qui arrive presque jamais. Juste avant de penser à passer, j'aurais même pas pensé. J'aurais donné le ballon, man. Ça aurait été comme à Marshawn Lynch, il est fou, ce gars-là, man. Il court écarté. Man. Il est déçu en or. Ses semelles sont en or. Ouais, mais c'est pour ça qu'il est dur à plaquer. Il est large, man. Mais c'est pour ça qu'il est dur à plaquer parce que ses pieds sont tellement larges. Mais en tout cas, this is not fucking baseball. Not fucking football. Ben, Jeff a des décisions mauvaises dans la NHL, je pense. Ouais, il y a des affaires qui ont moins de l'allure, mais il y a des choses que ça commence à être très, très intéressant vers la fin. Donc, la sixième position, c'est Manny Legacé. Présent à l'aréna pour le repêchage, quand Legacé se fait repêcher, il a manqué le call parce qu'il était allé faire pipi. C'est le gars qui a écrit ça. Mais là, moi, je pense que c'est à partir du cinquième que c'est intéressant. Souvenez-vous de Patrick Stéphane? Non. Moi, oui, j'aime le nom de Patrick Stéphane. Contre Edmonton. C'était-tu Stéphane? Il jouait pour les Stars, puis contre, c'était Stéphane ou on s'en calisse. Mais on s'en calisse à la rondelle! C'était Dallas contre Edmonton. Lui joue pour Dallas. Il y a un net ouvert, il perd le puck, il tombe sous le cul. Alechemski pogne la rondelle. Ah, je m'en rappelle de ça. Ben, yeah. Ça, c'était grave en tabarnak. Puis Stéphane, il a plus jamais joué une game de hockey de sa vie après. Really? Je te montrerai la séquence tantôt. Tu vas capable. Il n'a jamais joué, non. Ben, il a fini la saison, il n'y a plus un club qui l'a signé. Tu aurais signé un gars qui manque un net ouvert qui tombe sous le cul. Chris Ryan O'Byrne a joué ici, puis il a couru dans le sac. Il avait les accroches aussi. Ouais, mais lui, il avait un net ouvert. C'était 5-4 pour ton club, puis tu manques le net. Ouais, là, mais c'est le filet désert. Oui. Ouais, puis là, il tombe, puis après ça, on va jouer. Puis après ça, ils ont perdu en prolongation, puis ils ont été éliminés. Patrick Reddy a pogné un poteau dans un filet désert. Ouais, parce qu'il a shooté. Au moins, il a shooté. Oh, il a shooté. Position numéro 4. Il a shooté de loin. Position numéro 4, c'est John Garrett, gardien des Whalers à la fin des années 70. Les Whalers. John se fait compter un deuxième but pendant qu'il était occupé à regarder la reprise sur le Jumbotron. Il y a quoi? Il checkait la reprise sur l'écran géant. Il regarde la reprise puis il se fait scorer un autre but. Nice. Il faut être perdu. Ça, c'est. Regarde juste la TV. Un gars des Whalers. Un hostie de mêlée. On se demande pas pourquoi les Whalers sont plus là. Après ça, c'est. Qui était hot, les Whalers. Pour les fans de Boston, j'ai Jerry Topazzini qui a une petite facelette. Un soir de 1944. Lui, il en a mangé des claques à 1944? Ouais, un soir de 1944, le joueur des Bulls, Sid Skeng, en marquant 4 buts dans un match nul de 2-2. Il est couru deux fois dans son but. Hey, ça, c'est un méchant jambon. Wow! Il a compté 4 buts. 2 buts dans son match, 2 buts dans son match. 4 points. Après ça, ça, c'est un gars qui est à poil, ça. Ça c'est récent. Déterminé à transmettre son enthousiasme, ce partisan des Flames de Calgary escalade la buveterie tout nu, tombe sur la tête pis s'en suit. Crache pas ta bien. Non, non, pas, là. J'ai pas pris de gorgée. Mais la meilleure, là, c'est la numéro 1, ça, vraiment, c'est comme inventé, oh my on God, dirait, là. En 1968, les pingouins choisissent comme mascotte un vrai pingouin qui s'appelle Pete le pingouin, qui porte les mêmes petits patins faits sur mesure puis qui est dressé pour courir après un bonnet entre les périodes. Malheureusement, Pete le pingouin a trop chaud dans ses patins et meurt 3 semaines plus tard. Il est mort. Hein. Il est mort de pneumonie 3 semaines parce qu'il avait trop chaud en patinant sa glace. Hey, ça, man, c'est pas cool. C'est la cruauté. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, ben, dans ce temps-là, tu sais. On va aller chercher un pingouin. On va le mettre dans des patins, man. Le pingouin. Hey, c'est un pingouin. Il est capable de marcher sur la glace. Donnez-y pas des patins, Calis. Non, c'est ça. Il n'y a pas besoin de patins. Ouais, mais courir après Zamboni. Ils ont fait ça, puis il est mort. C'est moins pire que je pensais. Je pensais qu'il avait été frappé par la Zamboni. Ça aurait été incroyable. Je pensais qu'il avait passé de. Il est mort depuis mon l'eau en arrière était rouge, là. Ça serait. Oh, mon Dieu. Fait que c'est cela. En top, ça, GF. Merci beaucoup. Pour... On a fait la prolongation, anyway. C'était ouais, ça la prolongation, on ouais. On pensait qu'on n'aurait pas. Ben, c'est pas vraiment une prolongation. Ben, c'est une prolongation. C'est comme quand on sort la main après la game, là, où on salue les fans, ouais, ouais. On leur donne des bonbons. I'll fucking kill you! Next year, I'm fucking kill you. Fait que ça fait la tour de l'épisode 8. Pour les prochains épisodes, Alex et Dave risquent de pas être là. Je le sais pas. Tout c'est pas. Je vais être là, mais... Dave, on garantit qu'ils seront pas là le prochain Dave, parce que ça blonde l'a dit ouais, deux jours avant le prochain. Fait que... Moi, c'est sûr, je serais pas là. Peut-être pas, ouais. Tu peux t'en retourner deux semaines. Ben oui, mais je prendrais pas la chance de me pointer ici. Ouais, you never know. Ouais, on m'appelle, ouais, mais... Ben ouais. J'ai à l'hôpital. Okay. Je m'en viens dans 45 minutes. Je serai pas à l'hôpital. Tant qu'elle est pas aux 4 minutes, t'es correct. Chaud. Sauf je finis mes plus moins puis je m'en viens. Tu sais quoi le truc pour que ça puisse. Ça fait vite? Quoi? Tu je te dirai après. Ok. Ça marche. Ouais. C'est très ça qui est arrivé pour nous autres, puis ça s'est fait tout de suite. On a comme trop que je bang. Ouais. On a comme trop de détails en ce moment, je pense. Ouais, fait que Dave, tu as manqué probablement deux games. Alex, c'est à voir. Je sais pas quand c'était dit, toi. 23, la semaine du 23. Fait que ce serait le 18. Genre, le 20, c'est le 20, le podcast. Je sais pas si c'est peut-être trop tight. Moi, c'est la date, c'est vrai, tout. Moi, c'est la date, le 18. Ouais, moi, je m'envoie à Louis-José le 18. C'est mieux d'arriver en même temps. Quel souvenir mémorable qu'on aurait. Il va parler comme ça. Message texte. Ouais, sûrement qu'il va me texter pendant que ça arrive. Oh, ben, les photos, man. Les photos. Snapchat. YouTube live event. Ah ouais. Snapchat, fendu jusqu'au trou de cul. Ouais, basez-vous sur Paulina Gretzky. Elle a de l'expérience là-dedans. Ouais, avec une GoPro sur la tête, je Dave. Je vais coller sur une GoPro sur la tête. J'en ai une. Je vais te passer à la mine, tu le feras en 3D. Ah, nice. Fait que ça, Dave devrait manquer probablement deux games. Alex, on sait pas trop. Entre-temps. On espère que Mart va se pointer même si Dave est pas là. Ben oui. Puis on espère que mon frère va être là. Il a permis de conduire. Ouais, ben oui. C'est vrai qu'il se perd un peu, même si ça fait à peu près 40 fois qu'il vient chez nous pour le podcast. Nice. J'enverrai les indications. J'ai dit, Martin, tu tournes à gauche, Marie-Victorin, au sex shop. Tu tournes à droite, t'es rendu chez nous. C'est pas compliqué, là. Le sex shop. Check le sex shop. Ouais. Sex shop. Rentre pas dedans. De chèque, chèque, chèque, chez Cher. Chez Cher, chez Cher, chez Cher. Bousserie, chez Cher. Chez Cher. Chèque, chèque. Fait que, vous autres, on va vous mettre, mettons, LT Scratch, LT là, Scratch. Pour... Ouais, ben écoute. Vous êtes parti en recrutement, mettons. Je pense que je vais être là, mais tu sais. On sait jamais ce qui peut arriver, fait qu'on va vous mettre comme peut-être. Mon frère Martin, On espère, on sait pas. Si mon frère et Martin sont pas là, ben moi et JF, on va le faire à deux, je crois. Oh, bonne chance. Ouais. On va essayer. C'est dur à deux, mais on l'a fait l'année passée. On l'a fait l'épisode 14. C'était bon, là. Faut que tu fasses du filler. C'était l'avant-dernier épisode avant le post-mortem qu'on a fait. C'est sûr qu'à deux, c'est plus... We agree. Il y a moins de conneries, il y a moins d'ostinage, mais ça brasse moins aussi parce qu'il y a moins d'animosité, mais c'est quand même... Mais c'est sérieux. C'est plus sérieux, ouais. Hein, c'est vrai. On fera pas, comme on Mario... pas de colère sur Régent Tremblay cette fois-là. Ah, peut-être qu'on va faire plus que d'habitude sur les deux, je pense. Peut-être. On verra. Mais on vous garantit que nous autres... Ça, c'est des grandes paroles, ça. Nous autres, on n'a pas à mettre bas. Fait qu'on va être là encore jusqu'à la fin de saison. Tu pourrais mettre haut. On peut, peut-être, écoute. Je te mettrais bien mon Purumch. Mais... Ah, il est ici, t'es. T'avais pas fort, ça, Calice? Non, le volume... Le son est prêt. Le son est prêt. Fait que c'est ça, fait que ben, ça fait le tour de l'épisode 8 et on vous attend dans deux semaines pour l'épisode 9 de la soirée du podcast. Salut tout le monde, à la prochaine! Ciao!